Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Cantina Chic Taba, le podcast qui parle de jeux vidéo autour d'une bonne bière corélienne. Donc je suis votre hôte, Donny Jeep, et je suis comme d'habitude accompagné de Macrémix. Salut Macrémix. Salut. Alors pour cet épisode estival, on va pas parler des jeux qui parlent de vacances, ni de plage, ni quoi que ce soit. On va parler, en fait, on va continuer un petit peu le chemin qu'on avait lancé sur les jeux et leur suite. Donc on avait fait ces jeux dont on espérait la suite mais qu'on n'aura jamais, sauf pour Vampire Bloodlines 2 qui arrivait après coup, c'était un premier signe de l'apocalypse. Et cette fois-ci, en fait, on va parler des jeux qui ont eu des suites et des suites qui nous ont déçus. Alors ça ne veut pas forcément dire que ces suites-là seront toutes des jeux qui sont mauvais ou qu'on juge nous mauvais, hein. Chacun ses goûts. Mais ce sera des jeux qui nous ont des jeux qu'on adorait et dont les suites on les attendait quand même assez et qui nous ont donc déçus, comme le titre de cet épisode l'indique. Macrémix, c'est toi qui va un peu lancer le bal avec un jeu qui était une suite qui avait été annoncée pendant très longtemps, qu'on était pas mal à attendre et qui, je pense, a déçu un peu tout le monde. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien oui, je peux t'en parler. Et donc c'est la suite d'un célèbre FPS du début des années 90. Avec un blond, des lunettes noires, un gilet rouge et un gros cigare au coin des lèvres. Donc c'est le père Duke Nukem. Et donc le jeu dont on parle, c'est Duke Nukem Forever. Une des arlésiennes du jeu vidéo, puisqu'il a été annoncé de mémoire à l'E3 1997. Et qu'il est finalement sorti après moult... report, annulation, abandon, rachat, des tas de studios ont bossé dessus. Et il est sorti donc après les années 2010, je sais même plus exactement en quelle année. C'était 2011. 2011, voilà. Et le problème, c'est que quand le projet, on va dire, avait été repris un petit peu plus sérieusement, on s'est dit, ouais, peut-être que ça peut donner quelque chose. On voyait les vidéos, on se disait, bon, le moteur, il a l'air... propre, bien qu'il casse pas des barres, il montrait l'humour du Duke Nukem, on dit bon, ben c'est peut-être le... ouais, ça peut peut-être le faire, avec précommande, etc., etc. Et je crois à 2 ou 3 semaines de la sortie du jeu, là ils sortent une démo qui correspond au premier niveau du jeu, et là, c'est le drame, on s'aperçoit qu'en fait, c'est de la merde. Avant peut-être de parler du jeu en lui-même, on va expliquer donc pourquoi il nous a déçus, mais on va expliquer pourquoi on aimait les premiers jeux. Donc pour rappel, comme tu l'as dit, Duke Nukem, c'est quand même un célèbre FPS. Alors à l'origine, c'est même pas un FPS, hein. Les deux premiers jeux, ils sont en 2D. C'est sorti, c'était quoi? C'était sorti sur DOS, enfin c'est des vieux PC. Oui, sur ordinateur. Hein. 91, 80, 92, 93, donc comme tu dis, on joue un espèce de bourrin qui s'appelle Duke Nukem, donc c'est très clichetonesque, hein, c'est fait exprès. Et donc le fameux jeu, en fait, culte, on va dire, c'est le fameux Duke Nukem 3D, en fait, comme tu as dit, de 96. Donc c'était développé par, donc c'était 3D Realms. Alors à l'époque, je sais même pas si ça s'appelait 3D Realms, hein, quand ils ont développé le... Si, il me semble. T'as pour 96, oui, peut-être pas pour les deux premiers jeux. Pour les deux premiers, j'ai un doute, ouais. Donc effectivement, donc c'était un jeu à l'époque, ben voilà, c'était les premiers FPS vraiment 3D. Et c'était, il y avait donc un humour, beaucoup de citations, de films type... Voilà, et de grosses punchlines, c'était ouais. La marque de fabrique de Duke, doublé par John St. John et sa grosse voix. Exactement. Et ouais. Voilà, c'était très mature, c'était un peu alcool, sexe, drogue et extraterrestre. Oui, mature dans ce sens-là, en fait. Pas mature dans le sens des profondes choses et tout ça avec... Ah non, il n'y a rien de profond. Il n'y a rien de profond à part le pied. Dans... Non, je vais arrêter là. Oui, voilà. Donc, c'est voilà, où tu vois des nanas, tu vois les danseuses à moitié à poil, etc. Donc, C'est simple. D'ailleurs, je pense que dans les niveaux, en termes de personnages humains, donc c'est des aliens qui arrivent sur la Terre. Donc... Il y a une espèce de clin d'œil à, comment ça s'appelle, Invasion Los Angeles, hein, le film de Carpenter. De toute façon, c'est tout cet aspect-là, ouais. Et ces films un peu série B, puis après aussi le gore des années 80. Enfin, c'est vraiment les clichés à fond là-dedans. Et je crois qu'en fait, les seuls personnages que tu croises qui sont humains, c'est des prostituées et des stripteaseuses. Ouais. Et stripteaseuses, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que ça s'arrête là, quoi. Et c'était pour l'époque, c'était bourrin et c'était bien jouissif. Et d'ailleurs, c'était un des premiers jeux aussi où tu pouvais jouer en multi. Alors, je rappelle, chez toi, on faisait des grosses parties. Ouais, on pouvait faire la campagne multi et tout. Il y avait des jetpacks et tout. C'était vraiment génial. On a passé beaucoup d'heures, hein, là-dessus, hein, à jouer en multi, je m'en souviens. Ouais. En câble, connexion par câble direct. Ouais. Donc c'est dire l'ancêtre du jeu des LAN parties, on va dire. Ouais, c'était la bonne époque. Et c'est vrai qu'on avait, bon voilà, c'est vrai que c'est un jeu à l'époque du FPS, hein. Bah, ultra kiffant, le personnage, voilà, il est bas du plafond, mais en même temps, en plus quand nous on a fait ça, on était ados, tout ça, enfin ça nous faisait bien triper et tout ça, on pouvait s'amuser, il y avait donc comme tu dis des grosses punchlines, des fois c'est des citations de, merde, comment ça s'appelle, Evil Dead et tout ça, enfin bon bref, c'était ouais, bien fun. Ouais. Et puis même le personnage, quand tu regardes, il est un petit peu, pas pompé, mais il y a un petit côté Schwarzenegger aussi. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est l'apologie du héros des films d'action bourrin, hein. Le white ouais. Dude un peu trash, hyper musclé, voilà, avec les cigares et compagnie, la coupe en brosse. Bref, c'est vraiment. Bah, il serait pas blond, tu vois Terminator 2 en fait. Ouais. C'est un peu la même dégaine. C'est vrai que c'est un peu ça. Et toujours est-il qu'à cette époque-là, comme tu dis, ben, donc ils sont en 96 et un an plus tard, ils disent ah ben il y aura une suite. Donc c'est le fameux Georges Broussard, Papy Broussard, qui annonce ça, qui a été voilà. Et le jeu, ben voilà, donc, comme tu dis, il y aura plein de bordel. Donc c'était 3D Realms, mais après il va y avoir, je sais pas combien de studios vont se mettre dessus. Enfin, c'est comme tu dis, c'est plus qu'une arlésienne. Je me demande si à l'heure actuelle, c'est pas encore le jeu qui a été le plus longtemps en développement. Hein. Mais comme tu dis, il est arrivé. Alors, je crois que ceux qui ont mis la main à la pâte vers la fin, c'était parce que ça avait été racheté aussi par Take-Two. Enfin, c'était le bordel. Je crois que c'est Gearbox ouais. qui a mis la main à la pâte parce qu'il me semble ouais, que. Ouais, ils ont remis des sous. Ouais, surtout. Et ouais, mais bon, malheureusement, ils en ont peut-être pas mis assez. Et donc voilà, ça donne un jeu où. Voilà, l'humour, il est devenu. Graveleux, déplacé. C'est pas le personnage qu'on connaissait à l'époque. Le moteur 3D, il est casse pas des barres, même l'action, le feeling et tout ça. Enfin, franchement, il n'y a pas grand chose à sauver. Donc, et d'ailleurs, en fait, enfin, moi j'avais plein de collègues qui avaient précommandé le jeu et puis ils ont testé la démo et ils ont tous annulé. Donc voilà, moi j'avais fait un petit peu quelques niveaux du jeu, puis ensuite j'ai vite laissé tomber parce que j'ai trouvé ça franchement pas bon du tout, pas drôle. Donc voilà, peut-être qu'on en attendait trop aussi. Par rapport aux souvenirs qu'on avait de Duke 3D, et c'est ça aussi qui déçoit. En fait, la question c'est, est-ce que c'est pas devenu anachronique, parce qu'en fait finalement le jeu il débarque 15 ans plus tard, et comme tu dis, l'humour, mais c'est pas tant peut-être que l'humour a changé, qu'en fait c'est plus du tout la période pour faire ce genre de, enfin c'est plus du tout le même trip quoi. C'est pas la bonne période. Hein. Il serait sorti quand il avait été annoncé la première fois en 97, il aurait probablement marché. Mais en 2011, avec les productions actuelles et puis le ton qui a changé d'une manière générale dans le jeu vidéo, il était clairement pas à sa place, je trouve. Donc voilà, grosse déception globale, on va dire, ouais. Sur Duke Forever. Et puis non, mais comme tu dis, très mal vendu, parce que la démo qui est le premier niveau, qui est un peu tutoriel, c'est affligeant de bêtises ouais. Crasses. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est l'époque aussi qui change, peut-être que les joueurs ont changé, qu'ils attendaient, mais c'est vrai que c'est complètement... C'est ouais. Ridicule. Alors ils veulent casser le quatrième mur, si tu veux, tu sais, avec l'espèce de blague du ah mais ils jouent à la console machin, mais c'est assez affligeant en fait. Et je pense que si t'es pas bourré et que t'as pas pris des substances illicites, ne le faites pas, vous qui nous écoutez, hein, c'est pas le but. Mais en fait je vois pas comment tu peux ne serait-ce que dépasser le premier niveau quoi. Ouais. Et encore ça serait pire, t'imagines, il sortirait aujourd'hui. Je pense que il se ferait tailler en pièces par la critique spécialisée sur toutes les images qu'il véhicule, enfin les images négatives, etc. Bref, c'est à oublier. Je sais même pas s'il est encore en vente. Enfin bref, mais bon. Mais je me demande si je l'ai pas vu récemment sur alors je sais plus où, mais dans une espèce de solde improbable Duke Nukem Forever. J'étais là, je fais waouh. Je me demande si... bon, à vérifier, mais... Méfie-toi. En tout cas, bon, il n'y a pas de suite qui ont été annoncées à ce Duke Nukem Forever. Ils avaient fait des DLC, il me semble, en plus, hein. Mais... Ouais, je pense... Et je pense que, pour le coup, c'est pas des trucs qu'on attendra... Enfin, voilà, laissez-le en paix. Il aurait pas fallu le ressortir une nouvelle fois. En tout cas, voilà, donc, pour toujours, mais plutôt à jamais... Et donc, on va peut-être avancer, mais c'est vrai qu'on avait envie quand même de parler de ce jeu-là, parce que... Voilà, c'est vrai que ça, la déception était à la hauteur du côté vraiment fun qu'on avait eu quand on était ado. Et voilà, et des fois ça fait partie. Je viens de vérifier, il a encore 20 balles sur Steam. Voilà, 20 balles, bah, c'est bien. Voilà. C'est le prix qu'il faut pas mettre. Et la démo, je la trouve plus, donc voilà, peut-être qu'il a... Peut-être que ça a dégagé. Et pourtant, sur les screens, ça avait l'air chouette, mais en vrai, dès que ça commence à bouger, c'est quand même pas beau. Ouais, ouais, enfin, bref. C'est exactement comme les photos des burgers à... Je ne vais pas dire dans quelle célèbre enseigne de burger, parce que voilà, on va pas faire de la pub ou pas de mauvaise pub, mais si tu vois les photos, tu dis c'est magnifique, et puis après quand tu vois le truc, tu dis ah ouais, mais effectivement, hein, c'est pour reprendre la fameuse scène de Michael Douglas dans Chute Libre qui dit non mais vous voyez le truc là et vous voyez ce que j'ai, mais c'est complètement dégueulasse. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu triste. Et un autre jeu qui était un peu en chute libre, attention la transition que j'avais pas du tout prévue, c'est pareil, c'est un jeu, on va rester sur le FPS, un jeu FPS qui avait vraiment cartonné à sa sortie, qui était un super FPS, et dont la suite nous a déçu. C'est une série d'ailleurs qui a eu des hauts et des bas, c'est la série Far Cry. Et le jeu qui nous a déçu, c'est en tout cas un des premiers, celui-là qu'on avait vraiment envie de mettre en valeur, parce que d'autres plus récents qui m'ont aussi déçu. Plus ça va, pire c'est, j'ai l'impression. Y a eu des bons trucs, mais après bon, il y a de bonnes idées, mais bon. Disons que les déceptions se situent peut-être pas au même endroit. En tout cas, Far Cry 2, c'est un jeu pour le coup que nous on attendait vraiment, puisqu'on parle de Far Cry et qui nous a déçu. Alors avant de parler de Far Cry 2, justement, Far Cry, est-ce que tu te rappelles la claque que c'était quand c'est sorti? Ouais, c'était une grosse claque, parce que déjà c'était un très joli FPS techniquement, dans des décors un peu sublimes, puisqu'on incarne un personnage qui est donc sur une île un petit peu paradisiaque, mais sur laquelle il y a quand même des labos secrets. Et ça sort à une période, donc on est en 2003-2004 par là, 2004 je dirais, où le moteur 3D est vraiment super beau. Les moteurs physiques commencent à arriver, ou voilà, qui donnent des résultats franchement super super crédibles à l'écran. Alors c'est édité par Ubisoft Montréal d'ailleurs, le premier, mais c'est Crytek qui développe ça, et Crytek qui... C'est Crytek. Donc c'est Crytek qui ont fait les Crysis après, et qui développent leur propre moteur, les CryEngine, etc. Donc effectivement, le jeu était franchement super beau. Un FPS à l'ancienne, on va dire un des derniers de sa génération, où il n'y a pas de monde ouvert, etc. C'est quand même des niveaux qui s'enchaînent avec un scénario, etc. Avec une vraie difficulté. Enfin, je me souviens que la fin c'était quasiment infaisable. Quoi. Mais alors, le monde n'est pas ouvert, mais par contre, parce qu'il sort la même année que Doom 3, qui est pour le coup un FPS qui est ultra claustrophobique. Et quand tu joues à Far Cry, c'est l'inverse, c'est qu'en fait c'est des arènes, mais c'est des super grandes arènes. Et comme tu dis, en fait, le côté île paradisiaque, tout ça, les niveaux étaient quand même super grands. Tu retrouvais cette espèce de grande arène, parce que tu pouvais même conduire des véhicules et tout ça. Et comme tu dis, oui, la difficulté, c'était vers la fin, quand parce qu'il y a des mutants, donc il y a des soldats de base. D'ailleurs, les doublages étaient super drôles. En français c'était à se tordre de rire. C'était vraiment, il y avait ce côté, c'était assumé le côté un peu, parce que voilà, il y a un virus, quelqu'un qui fait, c'est un peu l'île, alors il n'y a pas des animaux, mais c'est un peu comme l'île du docteur Moreau, donc il y a une espèce de scientifique qui fait ses trucs de mutation, et donc effectivement, il y avait des, c'était, la fin c'est hyper, même quand tu joues en normal, c'était hyper tendu. Moi j'ai triché à la fin, j'en pouvais plus, j'arrivais pas. C'est juste trop dur, quoi, les ennemis, trop trop coriaces, quoi. Ah ouais, putain, t'en prenais plein la tronche, et donc voilà, et donc il y avait alors le... Ils étaient intelligents, l'IA était pas mauvaise non plus, même si ils avaient une petite tendance fâcheuse à te détecter à 500 mètres trop facilement, mais globalement l'IA était super correcte, que ce soit les humains ou les mutants, donc voilà, ça te donnait du fil à retordre. Exactement, de toute façon, le normal de l'époque, c'est du hardcore d'aujourd'hui, hein. Ouais, pour les FPS en tout cas. Un petit peu. Et c'est vrai que c'était. Donc voilà, donc on jouait Jack Carver, mais. Donc un super nom, ça. Donc avec. Il y avait quelques personnages comme ça, mais ce qui ne servira pas, puisque dans Far Cry 2 qui débarque. Donc alors, c'était un gros succès, hein, le premier Far Cry. D'ailleurs, ils l'ont refait en HD, tout ça. C'est pareil, franchement, si, je sais pas ce que vaut la version HD, mais je pense que c'est pas trop mal encore. Et ça, c'est un jeu que si vous le trouvez à vraiment pas cher, doit pas être très très cher. Franchement, il vaut le coup à faire. Et donc Far Cry 2, il est annoncé, il sort en 2008, oui. Et pour le coup, d'ailleurs, c'est Ubisoft qui est Montréal qui prend vraiment les rênes du développement. Et donc là, il était annoncé, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était quand même un jeu qui était annoncé, qui était beaucoup attendu, parce qu'il était quand même très ambitieux, hein, dans ce qu'il proposait. Ouais, tout à fait, parce que déjà techniquement, il était vraiment super beau. On promettait justement, donc là on se lance dans les mondes ouverts en fait, où il y a la quête principale, des tas de quêtes annexes, et où on peut se balader plus ou moins librement dans ce monde-là. Et donc, il est encore une fois très très bien rendu. Il y a des cycles jour-nuit, je crois qu'il y a des effets météo. Et il y avait aussi un moteur physique déchiré à l'époque, qui surprise, ça avait été comparé récemment avec Far Cry 5. Et bien, le moteur physique de Far Cry 2, et bien, il est au-dessus. Et ils ont mis beaucoup plus de détails dans certains effets. Par exemple, sur la destruction de la végétation, parce qu'on peut littéralement faire tomber des arbres entiers en tirant dessus, ou des branches, etc. Donc, la pénétration dans le bois ou dans le métal est différente. Alors, ça paraît logique, parce qu'à l'époque, il y avait des efforts qui étaient faits là-dessus. Mais aujourd'hui, il y en a un petit peu moins, on se retrouve avec des incohérences. Donc, bref, Far Cry 2, donc, techniquement, c'était presque parfait. Mais c'est pas ça qui nous a déçus. Mais non, mais alors déjà, alors là, on est plus sur une île paradisiaque, on se trouve en plein Afrique, en fait, on est sur le continent africain. Alors on joue le rôle d'un mercenaire, on saura jamais trop comment il s'appelle. Et d'ailleurs, un mercenaire muet, hein, c'est encore la période où on avait encore des personnages qui étaient muets. Ouais, alors que dans le premier, il était pas muet, mais. Il faisait des réflexions, non? Jack Carver faisait. D'ailleurs, je crois même qu'il était doublé par le doubleur de Schwarzenegger, il me semble. C'est possible. Moi, je sais que le doublage du méchant, c'était Mark Alfost qui le faisait. Et qui faisait beaucoup de trucs à l'époque, parce que dans Bioshock, il avait le même rôle. Mais bref, on s'écarte un peu du sujet. Exactement, oui, le mec exactement, spoiler. Qui te guide par radio et qui te défonce et à qui la fin. Et qui te trahit, effectivement. Mark Alfost qui est décédé depuis, qui est un super doubleur. Ouais, regretté. Ouais, regretté Mark Alfost, super doubleur. Et c'était l'époque, d'ailleurs, où on faisait des jeux vidéo en VF et pas en VO, d'ailleurs. Oui, c'est parce que les VF étaient très très bien. Bah, elles sont peut-être encore aujourd'hui, mais bon, par défaut, c'est vrai que moi je préfère jouer en VF. Ouais, moi pareil, mais ce n'est pas le sujet de l'épisode. Mais alors pour revenir à Far Cry 2, donc il y avait quand même ils avaient voulu implanter des choses vraiment intéressantes, enfin, en tout cas, ils avaient voulu diversifier les choses. Le problème, c'est que ça marchait pas toujours. Par exemple, il y avait quelque chose qu'ils avaient mis d'entrée de jeu, c'est que le personnage il atteint de la malaria, et donc on devait prendre des médicaments, forcément. Et donc ça, c'était pas mal fichu, et ça a mené justement des fois des bons pics d'intensité dans le jeu. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans le jeu aussi, c'était quelque part... ils avaient instauré aussi les gens qui t'aident. Ça, on va revenir quand on va parler du scénario. Mais déjà, rien qu'en parlant des ennemis, il y avait un problème quand même avec les ennemis. Est-ce que tu peux nous parler de ce problème insupportable avec les ennemis? Ouais, c'est que... En fait, par exemple... On va prendre une voiture, donc on va prendre un 4x4. Tout le monde conduit toujours les mêmes 4x4. Il n'y a qu'un seul modèle, il y a juste la couleur qui change. Si tu croises un 4x4, tu te dis... en général, tu te poses la question, mais qui c'est? C'est un ami ou un ennemi? Non, mais eux, en un dixième de seconde, ils ont tout de suite vu que tu n'étais pas des leurs et ils vont te défoncer la gueule. C'est impressionnant. Dès qu'ils t'ont vu, ils vont pas te lâcher et en fait, ils t'identifient beaucoup trop vite, quoi. Et tu vas vite te retrouver avec des tas de mecs sur la tronche. C'est inhumain, quoi. Le temps de réaction de ces types-là, franchement, c'est abusé, quoi. Ouais, en fait, tu peux pas jouer. En fait, ils te proposent un terrain de jeu avec le fait justement d'avoir de pouvoir intégrer avec les véhicules pour essayer de la jouer plus fin, ou pouvoir faire des embuscades, tout ça. Et même avec, par exemple, tu sais qu'il y avait ils avaient des phénomènes de vent, donc des fois, tu pouvais cramer des trucs, envoyer pour. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme tu dis, c'est que les ennemis, finalement. Ils te fournissent un outil, mais que tu peux pas utiliser parce qu'en fait, l'IA des ennemis fait que, comme tu dis, voilà, ils te découvrent, mais genre, ta voiture, t'es à 100 mètres d'eux, et limite, ils vont te sniper, alors qu'en fait, ils ont même pas de snipe, quoi. Tu vois, c'est un... Ouais, c'est franchement un peu abusé. Ensuite, il y avait l'autre problème aussi, des fois, des respawns, c'est-à-dire des réapparitions d'ennemis. Enfin, des fois, tu fais une quête, tu rases tout, et alors en fait t'es obligé de faire demi-tour, et puis les ennemis ils sont revenus, mais ils apparaissent d'un coup, quoi. Il y a 20 mecs qui arrivent d'un coup, et t'es obligé de tout refaire en marche arrière. Voilà, c'était un peu compliqué, donc... Mais ça je pense que c'était le pire en termes de gameplay, parce que ça vraiment, en fait, c'est... Genre, s'il y a même un avant-poste, donc ou qui ne fait même pas partie d'une quête, après que les gens ils réinvestissent l'avant-poste, si tu fais un cycle jour-nuit au bout de, je sais pas, de une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu, parce que ok, pourquoi pas. Mais là, en fait, comme tu dis, c'est sur un aller-retour, genre tu vas faire une quête, tu passes un avant-poste, tu le flingues, tu fais ta quête, dans le système diégétique du jeu, hein, il s'est passé même pas une heure, t'as fait ta mission, tu reviens, et t'as encore des mecs qui sont là, tu vois, c'est... Et ça, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en fait, finalement, ça, ça gâche le rythme du jeu plus qu'autre chose, et c'était insupportable, quoi. C'était hyper mal fichu. En fait, t'es tout seul. À chaque fois, les missions qu'on te donne, c'est on t'envoie là-bas, mais personne ne sait, personne n'est au courant de ta mission, etc. Donc en fait, t'as potentiellement des alliés, mais à chaque mission, t'es incognito, donc en fait, t'es contre tout le monde. Ça, à la longue, c'était super, super gavant également. Ben ouais, mais d'ailleurs, pour en parler des aides, justement, ils avaient introduit, ce qui aurait pu être intéressant, en fait, des gens avec qui ils pouvaient justement créer des affinités, et en fait, quand t'étais en mauvaise posture, des fois, ils venaient, genre, t'étais sur le point de mourir, t'avais un mec qui pouvait venir t'aider, tout ça, et donc tu créais, en fait, une sorte de lien avec des PNJ. Donc ça, tu t'en souviens, hein, de cette feature-là? Ouais, il y avait plusieurs PNJ, et à un moment donné, il fallait aussi les protéger parce que ils sont pas invulnérables, c'est pas une aide magique, ils peuvent réellement mourir et il fallait leur injecter la bonne dose de morphine, etc. Et si on leur mettait trop d'un coup, on pouvait les tuer tout simplement. Et après ils disparaissaient du jeu, évidemment. Ouais, ils disparaissaient du jeu. Donc voilà, il y avait quand même de bonnes idées dans ce jeu. Il y avait les véhicules qu'on pouvait réparer, un coup de la molette et on faisait réparer un véhicule, etc. Bon, par contre, une fausse bonne idée, c'était il y avait aussi l'état des armes, plus tu t'en servais. J'allais y venir, oui. voilà, plus son état empirait et tu pouvais avoir des petites surprises. Bon, par contre, ils auraient peut-être dû consulter, on va dire, un expert en armes à feu, parce qu'au moment de tirer, et puis là tu vois un défaut d'enrayage, un défaut d'éjection, non, c'est pas crédible en fait. Enfin, le coup il part, et ensuite un défaut d'éjection, et pas l'inverse. Alors quand tu testes avec une arme, paf, enrayage, enrayement, tu testes avec une autre, paf, enrayement, tu finis au couteau, là t'as un peu les boules, quoi. Donc, ça, en fait, il y avait pas de. Genre, l'arme, en fait, l'état, il y avait pas trop de différences d'état, ce qui fait que des fois ça s'enrayait genre hyper vite, c'était n'importe quoi au bout d'un moment. Ouais, et ça, ils avaient voulu reprendre un peu ce qui avait été fait. C'est dans Stalker que t'avais un truc des états des armes. Donc là, pour le coup, ouais. Grand jeu vidéo, mais dans les suites, il était peut-être un peu moins bien pour la première, mais qui nous ont pas déçus pour le coup. Et donc, comme tu dis, c'était une bonne idée, mais là encore, dans l'exécution, ça déconnait. Et donc, pour en revenir au niveau du scénario, alors le scénario, ça a jamais brillé par ces scénarios, hein, les Far Cry, faut pas dire. Voilà, on va pas chercher non plus ça, mais c'est vrai que là, en fait, on va contre un mec qui est un peu, donc il y a un truc de trafic d'armes, de diamants, tout ça, donc tu poursuis, on va dire, le méchant du jeu, et donc t'as tous les mecs avec qui t'aides, ça, qui sont aussi tes mercenaires, donc c'est une histoire un peu entre mercenaires, et en fait, sauf qu'à la fin, alors il y a prescription, hein, on peut en parler, tu te retrouves avec, donc il y avait deux fins, c'est que, déjà, t'as tous les mecs avec qui t'as développé, donc t'as passé du temps à essayer de développer des bonnes relations, les mecs te trahissent tous. Ouais, ça c'est gratuit. Ils se retrouvent tous au même endroit et puis ils te la mettent à l'envers. Voilà, ils sont tous contre toi et donc tu dois tous les buter, donc c'était un peu con. Et ensuite après, en fait c'est pas ça, c'est t'as le choix, soit à dépasser après les diamants, soit à les faire exploser une bombe et à mourir, mais tu sais pas trop pourquoi ton personnage ferait ça, enfin c'était complètement farfelu. Bah ouais, parce que c'est l'autre mec qui te propose, enfin qui te donne le choix, et vu que ton personnage est muet en plus, et ben je sais pas, c'est difficile de s'imaginer le mec dire... Bah ouais, effectivement, t'as raison, je vais me faire sauter pour la bonne cause, enfin, c'est trop tiré par les cheveux, et c'est trop bizarre, en fait, comme fin. Le fait qu'il donne pas la réplique, en fait, qu'il reste muet face à ce choix, il y a quand même un personnage qui va dire, non, mais fais-toi sauter avec la bombe. Et tu peux le dire, en fait, mais c'est vraiment un oui ou un non, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est un signe de tête à la con. Et voilà, donc ouais, le scénario, franchement, c'était la plus grosse déception. Parce qu'il y a deux grosses maps, en fait. Le jeu est scindé en deux. Il y a une petite cinématique au milieu entre les deux cartes. Oui. Mais, et t'as ça à la fin. Voilà, donc là, tu te dis, bon, ben, tout ça pour ça, quoi. Donc, vraiment dommage. C'était encore les balbutiements, parce que c'est vrai que même à l'époque, tu vois, on est en pleine Afrique, mais t'as quasiment pas beaucoup de faune, t'as peu de PNJ, choses après qui vont changer avec Far Cry 3, mais ça n'en parlera pas, en plus le jeu était réussi, où pour le coup t'auras beaucoup plus de faune, de flore et tout ça, donc là ils ont monté le truc, mais voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bonnes idées, mais une exécution qui était vraiment décevante, et c'est vrai que quand tu sors du premier Far Cry, que t'as celui-là qui arrive, qui te placarde un peu tous ces trucs, à dire ouais, voilà, grande zone de jeu, vous êtes dans la brousse, vous aurez tout ça, ceci, cela, et en fait finalement tu te retrouves à faire un peu toujours les mêmes choses. Et en plus avec des petits problèmes, mais voilà, c'était vraiment un jeu décevant. Ouais, mais c'est bon, ça avait changé aussi de développeur, hein, parce que le premier, donc, c'était Crytek, édité par Ubisoft. Et donc pour la suite, c'est Ubisoft donc, qui a repris le truc, parce que Crytek, eux, ils sont partis pour faire Crysis, qui était sorti l'année d'avant. Je crois que c'est 2007 Crysis, et Far Cry 2, c'était 2008. Et là, on voit tout de suite que Ubisoft met sa patte et va mettre en place tout ce qui va fonctionner plus ou moins avec les Far Cry suivants, qui suivent un petit peu le même schéma dans le monde ouvert, quoi. C'est plus une version prototype de ce que ça va être de la série par la suite qu'une véritable suite en fait du premier Far Cry, quoi. Finalement, il n'y a pas beaucoup de points communs en fait. Ah non, il n'y a aucune suite logique entre les épisodes, ouais. Et malheureusement pour eux, c'est vrai que l'aboutissement quelque part de leur série, ça sera le 3, et après ils vont faire des skins de leur jeu qui se passent ailleurs. Ouais, bah moi j'ai fait le 4, j'ai pas fait le 3, j'ai fait le 4, parce que j'aime bien tout ce qui est en montagne et tout ça, donc le jeu était joli, mais bon, ensuite c'est vrai que, bon voilà, ça se fait, mais voilà, si t'as fait le 3, pour moi c'est pas la peine de faire ni le 4, ni le 5, ni Primal, ni rien, parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Mais bon, si on aime ça, bon, ben, pourquoi se priver? Mais bon, c'est un petit peu du more of the same, comme on dit en anglais. C'est pas la devise de Ubisoft. Allez, bam. Je sais pas. Ah non, allez, on va pas commencer à attaquer Oui, Ubisoft. mais non, parce que non, genre, on va pas tacler, mais on a sorti d'ailleurs de ça sûr, instant coulisses du podcast. On a sorti au dernier moment Assassin's Creed 3 dont je voulais parler. Et finalement, je me suis dit, bon, voilà, on va pas en parler, mais ça a été aussi une déception. Voilà, j'en parle, je veux pas en parler, mais j'en parle un petit peu rapidement. Mais voilà, mais c'est vrai Ouais. que c'est pas le but de taper sur Ubisoft, mais c'est vrai qu'ils ont tendance après quand une. Voilà, c'est vrai que la recette fonctionne, mais bon, voilà, des fois, Ad Vitam Aeternam, c'est un peu un problème. En tout cas, là, c'était un jeu qui nous avait vraiment déçus et qu'on attendait beaucoup. Que maintenant, on avoue que les Far Cry qui sortent, on les attend pas spécialement, on s'en fout un petit peu. J'en ai plus rien à cirer. Voilà, exactement. Voilà. Mais bon. Autre jeu qui. Alors, c'est vrai que ça fait partie des jeux. Là, on va attaquer les jeux dont on parle assez régulièrement parce qu'on aime beaucoup la série. Et c'est vrai qu'on Ouais. a assez parlé assez rapidement la dernière fois qu'on a fait les comment s'appelle notre podcast sur les couples. Donc, c'était le spécial Saint-Valentin puisqu'on avait mis en exergue ce couple qui se fait, qui se défait, qui se fait souvent plus hors caméra que devant la caméra d'ailleurs, et qui se défait aussi Ouais. hors caméra. C'est la série des Chevaliers de Baphomet, et si on a bien aimé, alors je sais que le 3 par exemple, qui était le premier en 3D, avait déçu des gens, c'était pas mon cas, je crois pas que c'était ton cas non plus, par contre. Bah, il a divisé un petit peu, c'est surtout parce que c'était en 3D et que c'était pas à la souris, donc c'était plus un point and click, puisqu'on dirigeait le personnage dans un environnement 3D comme des tas de jeux. Donc il avait divisé, mais voilà, il y avait quand même des thématiques intéressantes et c'était intéressant parce que c'était sur le manuscrit de Voynich. Exactement. Mais là, ça aurait pu être intéressant aussi avec le 4. Donc, on parle bien donc des Chevaliers de Baphomet, le 4 qui s'appelle. Alors, tu vas le dire parce que je sais que tu l'adores ce titre-là. Ouais, les gardiens du temple de Salomon. Donc voilà, donc le titre qui spoile totalement Voilà, le. en anglais ça a rien à voir, je crois que c'est Angel of Death, non? C'est pas ça? Angel of Ouais, Death. voilà. Voilà, donc comment te faire spoiler le jeu avant même Ouais, c'est de comme l'avoir si installé. Avengers Infinity War c'était Avengers au moment où Thanos claque des doigts et tue la moitié de l'univers. Voilà, désolé les gars, mais il y a prescription aussi, vous avez déjà été spoilé, donc bon, hein, on va pas batailler. Et puis vous pourrez m'insulter sur Twitter si vous voulez. Bon, pour en revenir au Chevalier de Baphomet, donc avant d'attaquer ce fameux Angel of Death, qui est un peu l'ange de la mort de la saga, en tout cas qui aurait pu l'être, donc rapido, parce qu'on a déjà parlé de ce jeu-là, mais quand même, autant en parler, comme tu dis, c'est un point and click. Le premier, donc alors la série s'appelle pas Les Chevaliers de Baphomet, d'ailleurs s'appelle Broken Sword, donc l'épée brisée, voilà encore, hein. Ouais, en anglais, ouais. Exactement. Donc c'est développé. Ouais, parce qu'en fait, Baphomet, c'est juste dans le premier jeu, en fait. Oui. C'est. Voilà, c'est pas dans les autres, Mais hein. oui. Mais bon, c'est pas Mais c'est grave. comme tu sais, alors attention, la culture. C'est comme Twilight, en fait, tout le monde appelle ça la série Twilight, alors que Twilight, c'est que le nom du premier tome, en fait, du bouquin, donc la fameuse série de vampires que vous connaissez, avec Bella Swan Ah, et. ouais. Qui s'appelle Edward Cullen. Voilà, bon, il y a tellement de trucs de genre là pour le marché français, on va Ouais, bon, dire. après, c'est l'étude des traductions. Donc, Broken Bon. Sword, Chevalier de Baphomet. Le Ouais. premier, donc, c'est développé par Revolution Software. Et donc, le créateur, c'est Charles Cecil, un mec qui a un humour particulier anglais jusqu'au bout de ses ongles manucurés, en tout cas je pense, et ça aide pour taper sur un clavier, et en tout cas, qui est un jeu qui était super bien, donc sorti en 1996. La suite qui a bien fonctionné aussi, qui s'appelait le Bouclier de Quetzalcoatl, sorti en 97. Le manuscrit de Voynich, donc qui s'appelle The Sleeping Dragon en anglais, hein, donc le dragon endormi, qui est pour le coup spoilé la fin du jeu d'ailleurs, le Sleeping Dragon, donc bon. Oui. Non, mais le titre était bien. Donc c'était en 2003, et donc après, donc ça avait, comme tu dis, ça avait un peu, divisé les genres. Donc parce que le jeu était bon, mais ça faisait chier que ce soit pas un point and click, tout simplement. Voilà, les fans, parce que voilà, c'est un point and click, c'est un grand jeu, de grande série de point and click, donc on suit les enquêtes de George Tobart, qui est un avocat américain, et qui se retrouve dans des histoires à chaque fois pas possibles, et avec une journaliste aussi française qui s'appelle Nicole, dit entre guillemets Nico Collard. Et donc là, en fait, dans le 4, quand tu vas pouvoir parler un petit peu du pitch, donc il arrive en 2006, lui, et donc au début, en fait, quand il est lancé, les gens étaient contents, pourquoi? Parce que justement, on revenait plus ou moins au côté point and click. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce gardien de temple de Salomon? Eh oui, la souris revenait, mais dans des environnements toujours 3D, je crois que d'ailleurs, t'avais le choix, c'était soit la souris, ou tu pouvais faire... comme dans le 3, avec des déplacements en 3D. Et en fait, je comptais plus sur toi pour faire le pitch. Je m'en souviens tellement pas. Alors effectivement, donc bon, George Tobart, comme on l'avait dit dans notre épisode sur les couples, donc bon, il s'était mis un petit peu avec Nicole, mais à chaque fois, bon, c'est... voilà, ils sont ensemble, mais bon, c'est un peu le... comment on appelle, Friends with Benefits, non peut-être pas, mais bon, hein, je dis un peu n'importe quoi. Toujours est-il que là, en fait, on retrouve George, en fait, qui est... alors je crois qu'il est à New York, et il s'occupe de... alors, il chope des cautions, des trucs comme ça, il est dans une espèce d'agence. Et il y a une fille qui débarque, qui dit qu'elle est comment ça s'appelle, qu'elle veut lui parler, mais elle est poursuivie par des mafieux. Et donc, au début, c'est un truc qui n'a rien à voir avec les gardiens du temple de Salomon, mais ça, de toute façon, je te laisse en parler. Et en fait, donc, il va se retrouver à la protéger de ces mafieux-là et à s'être embarqué donc, dans une espèce d'enquête improbable. Et en fait, pendant ce temps-là, on a aussi Nicole, mais qui va apparaître bien plus tard dans le jeu, qui elle suit son enquête, et les histoires vont se recouper. Se rejoindre, ouais. Ouais, c'était souvent le cas, mais c'est vrai que là c'était un peu problématique. Donc en fait, ce qui déçoit plus que l'histoire au départ, en fait, parce qu'on retrouve quand même l'humour, il y a un humour quand même qui reste toujours le même dans la saga, on sent que voilà, c'est le même auteur, il y a des idées, c'est intéressant, mais en fait, là où le jeu vraiment échoue, plus que par son scénario, même qui aura quand même tendance à être un petit peu fouillis, à part à la fin où ils vont tout balancer d'un coup. En fait, c'est la technique, tout simplement. Ouais. Ça, je sais que. Ouais, c'est la réalisation. Ouais. C'est la réalisation, trop de bugs, même des énigmes un petit peu tarabiscotées qui ont pas. Enfin, trop tirées par les cheveux, mais voilà, des phases d'infiltration qui n'ont rien à foutre dans ce genre de jeu, selon moi, et qui sont complètement ratées. Ouais, c'est les bugs de réalisation, des cinématiques ratées, où des fois t'as le son qui coupe, ou t'as le doublage qui... le dialogue qui se lance pas, ou elle te pointe avec un flingue, et en fait le flingue, il apparaît pas, c'est un peu bête. T'avais des voix aussi, des fois, qui s'inversaient, genre un personnage qui parlait avec une voix d'un autre personnage, quoi. Ouais. Ensuite, je sais pas si ça avait été patché par la suite, mais moi je sais que je l'avais quand même acheté dès la sortie. Alors, je l'ai sur GOG, mais j'ai pas voulu le refaire, donc je ne pourrais pas te dire. Ah, non. On va s'infliger ça. Et t'as pas le 5 aussi à faire déjà? Oh putain, m'en parle pas. Oui, alors ça, c'est un running gag du podcast. C'est-à-dire qu'en fait, pour la petite histoire, je le dis à chaque fois, mais pour ceux qui nous prendraient en cours et qui n'auraient pas écouté les autres, previously, c'est qu'effectivement, quand ils ont lancé donc, le 5, exactement, je l'avais backé. D'ailleurs, j'avais backé même le super. La super édition, donc voilà, je fais partie du mec Gold Backer, ce que tu veux, avec le t-shirt, le petit comics qui sert d'introduction à ce cinquième épisode, tous les jeux sur CD, en fait, tous les précédents jeux, toutes les OST, je dois avoir des super remerciements dans les crédits du jeu, mais que je n'ai pas vu puisque je n'ai pas fait le jeu, donc voilà, donc ça fait combien d'années que je l'ai? Bon, ça doit faire 10 ans maintenant, je pense, peut-être pas 10 ans, mais au moins. Il est pas sorti en 2014 ou un truc du genre. Ah, bon, ça va, donc ça fait que 5-6 ans, donc bon, voilà. Vrai qu'effectivement, voilà, je l'ai toujours pas fait, il faut que je le fasse, je promets, je le ferai. On fera un podcast spécial sur ce jeu-là quand je l'aurai fait, ça sera le truc. Je l'ai refait il y a pas longtemps, du coup. Ah, voilà, tu l'as fait pour moi. Mais donc, pour en revenir au Garden Temple de Salomon, alors le triangle amoureux était assez intéressant, même si après, ils nous ressortent des tropes assez classiques du. la femme d'un frigidaire, c'est-à-dire la femme qui doit se sacrifier pour le... Bon, bref, voilà, c'est un peu toujours les mêmes choses, sans trop spoiler. Ouais. Y avait des choses aussi, quand même, qu'il faut expliquer, c'est que le jeu, à l'origine, c'était les fans, en fait, qui voulaient vraiment une suite, puisque la série, c'était une trilogie, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'avaient prévu au départ. Et le jeu, je pense qu'ils ont un peu rushé le développement aussi pour faire plaisir aux fans, parce qu'ils écoutent les fans, quand même, ça, on peut pas dire le contraire. Et quelque part, ça leur a... c'est d'où cette volonté de revenir au point and click et tout ça. Puisque le 3, il avait sorti pour coller un peu avec l'effet Tomb Raider hein, des années début 2000. C'était vraiment l'époque où Tomb Raider, ils commençaient avec Crystal Dynamics à faire leur Tomb Raider. Et t'avais ce côté-là un petit peu qui correspondait pas à la série. Hein. Et donc voilà, ils ont vraiment peut-être trop voulu écouter les fans. Et c'est vrai que bah, voilà, le jeu, la déception se situe vraiment sur le côté technique du jeu, en fait. Hein, parce que c'était... Parce que franchement, si t'étais pas motivé, c'était limite, t'avais pas envie de le finir. Ah ouais, ah oui, ben, moi j'en ai chié pour aller jusqu'au bout. Et c'est le seul que j'ai fait qu'une fois. Ben moi aussi, excepté le 5. Parce que même le 3, ouais, non, ouais, oui, ben. Bah oui, parce que le 5, tu l'as fait 0 fois. Donc c'est le seul que j'ai fait qu'une fois. Je peux pas dire que tu l'as fait qu'une fois. Exactement, mais voilà, c'est mathématique, hein. Mais, et autre chose aussi qui t'est. Ouais. Que moi m'avait dérangé, c'est peut-être stupide, puisqu'on parlait des versions françaises. Moi j'adore la version française de Georges Taubard, hein, qui est fait par Emmanuel Curtil, qui est un super super doubleur, que vous connaissez parce qu'il double quoi dans Friends, il double. Il fait la voix de Jim Carrey en français notamment aussi. Et par exemple, le truc qui m'avait déçu, c'est que la voix de Nico avait changé aussi. Il avait remplacé. Et oui. Et ça, alors c'était une super doubleuse, hein, c'était Laura Blanc, donc Laura Blanc elle double Jennifer Garner, je pense aussi Julia Roberts et tout, hein. Mais justement, ça faisait un peu drôle d'avoir, quand tu es habitué à la voix de Nico, d'avoir après la voix de Julia Roberts, par exemple. C'était là, t'étais wow, c'était un peu le mariage de mon meilleur ami, quoi. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'était, voilà, il y avait eu des choix qui étaient, bon, ça c'était indépendant de leur volonté, hein. Mais voilà, tout qui fait que le jeu en lui-même était vraiment décevant, en plus de, sans spoiler le jeu, effectivement, à la fin, il y a un truc qui avait le temple de Salomon et des gardiens. Donc voilà. Et c'est vrai, comme tu dis, qu'il. C'est décevant et c'était pourtant une super série qui a visiblement remonté un peu la pente avec le 5. Ça, c'est toi qui pourras le dire. Moi, je ne pourrais pas encore. On verra un jour. Je sais pas, il faudra peut-être voir ce qu'il vaut aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu des améliorations, etc. Mais, bon, eh bien, écoute, vu que tu te dévoues. Non, si les énigmes c'est les mêmes, c'est pas la peine. Non, mais je sais pas, mais en tout cas c'est toujours pareil, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas après, alors pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, ben, vous pouvez mettre en commentaire, oui parce que je profite, je fais une petite parenthèse en plein milieu du podcast, le podcast est maintenant disponible donc sur YouTube, mais aussi sur Spotify, sur PodCloud, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Podcast Addict. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des étoiles. Et sur iTunes, tu l'as dit ? Apple Podcast, ouais. Et donc voilà, donc vous pouvez, et donc aussi vous pouvez, n'hésitez pas à commenter aussi sur Twitter si vous voulez venir parler avec moi. Donc si vous avez fait récemment le fameux Chevalier Baphomet 4, les gardiens du temple de Salomon, ben, vous pouvez venir nous en parler, ça sera avec plaisir. Et maintenant qu'on a parlé de Baphomet, on va parler d'une autre série dont on a parlé aussi récemment. Pareil, on avait parlé dans les couples aussi, puis on avait parlé dans les jeux dont on attendait une fin des suites qui nous avait déçus, justement, c'est Max Payne. Et là, on tombe vraiment sur un jeu, donc Max Payne 3, hein, on va parler, d'un jeu qui est un excellent jeu. Ouais, il est super bon. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment dissocier déception de, en fait, la qualité intrinsèque d'un jeu, puisque donc Max Payne... C'est une série, alors c'est un TPS, hein, ça a été lancé par Remedy Entertainment, donc c'est un fameux studio finlandais. Le premier jeu sort en 2001, et ensuite il va sur PC, puis il va sortir aussi sur console. Le second, The Fall of Max Payne, sort en 2003, et donc après on va parler de ce fameux Max Payne 3, qui lui est sorti, je ne sais plus trop, c'est en 2010, je crois, non ? Non, 2012 peut-être même. Max Payne, rapidement, donc on suit, c'est un policier qui a perdu sa famille de manière un peu tragique. Donc c'est vraiment les codes du film noir dans le premier, avec aussi la mythologie asgardienne. Ensuite, dans le 2, on est encore plus dans le roman noir. On en avait parlé dans notre podcast aussi, hein, sur les couples, puisqu'il y a une histoire, on peut dire, d'amour tragique avec une tueuse à gages qui s'appelle Mona Sachs. Donc c'était vraiment une ambiance vraiment très, très dans les codes du film noir, mais aussi littéraire. Le créateur, en tout cas celui-là qui fait le scénario, c'est Sam Lake, un super auteur. Et, Et donc voilà, donc c'était des jeux très sombres. Et Max Payne, c'est un personnage qui est très caractérisé. Hein. On écoute ses pensées, il commente aussi ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un personnage qui a vraiment beaucoup de matière, beaucoup de chair. Et justement, après donc, la fin du 2, ils annoncent qu'il y aura une suite, qu'en tout cas le voyage de Max Payne, ce qu'ils appellent le voyage à travers la nuit, n'est pas terminé. Sauf qu'en fait, finalement, Remedy va partir pour leur jeu en fait, qui sera Alan Wake, qui sort en 2010. Et ben, en fait, ils refilent le bébé à Rockstar Games, Rockstar Studio, qui va s'en occuper, qui va le développer. Donc le jeu sort en 2012 sur PC. Non, d'abord sur console, et je crois qu'il sort après sur PC en 2013. Donc là, pour le coup, Max Payne, ils reprennent le personnage. Alors ça se passait avant New York avant, et là, ils vont le balancer en fait au Brésil. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du jeu? Alors, est-ce que tu veux parler du scénario, sans trop en dévoiler, ou tu veux plutôt parler du côté, on va dire, de pourquoi il nous a déçus? Non, le scénario, bon, pas grand-chose, à part bon, l'intro qui se passe un petit peu à... Alors c'est le flashback qui se passe à New York. Ouais, c'est le flashback à New York, bon, avec la mafia, etc. Et en fait, il a donc quelqu'un qui vient l'engager, en fait, dans un bar, en tant plus ou moins que mercenaire. Et donc, il propose un job pour aller au Brésil, un petit peu dans les favelas, etc. Enfin, à la base, non, c'est plus dans les quartiers chics pour protéger les clients. Ouais, au départ, c'est pas mercenaire, c'est que c'est plutôt une espèce de sécurité privée, en fait. C'est un garde du corps, hein. ouais. Et donc c'est un ancien collègue de la police avec qui il a fait ses classes, effectivement, qui vient, et comme ils se font attaquer, comme tu dis, par la mafia, où il bute quelqu'un, il s'en va au Brésil, effectivement, et après il va se retrouver pris, en fait, dans un espèce de truc de machination qui ne le concerne pas au départ. Et c'est peut-être déjà un des problèmes de ce jeu-là, c'est que autant les deux premiers, c'était quand même très lié à la vie personnelle de Max, en tout cas, comment ça a impacté sa vie, que là, en fait, quelque part, il est un petit peu une pièce rapportée au Brésil. Donc c'était peut-être pour changer le sujet, mais le problème c'est que ça enlève toute une partie intéressante de toutes les questions existentielles en fait qui tournent autour du personnage. Ça enlève tout le charme du jeu, ouais. Parce que là ensuite ils sont vraiment focalisés ensuite donc sur l'action qui est vraiment très très bien. Il y a rien à reprocher franchement à ce jeu-là. Mais bon voilà, effectivement ça dénature le personnage de Max qui se retrouve être transformé un petit peu en une machine à tuer, ce qui était déjà le cas dans les précédents jeux, mais bon voilà, il n'y a plus le côté personnel, il y a moins d'implication, et voilà, donc c'est ce qui nous a déçus. Le personnage devient presque par moment un cliché de lui-même. Alors ils ont repris le même acteur qui le double, qui a une super voix, hein, comment il s'appelle, McCaffrey, qui est un super doubleur, il a une voix éraillée, c'est génial, ça fait vraiment un film noir. Mais en fait, comme tu dis, ouais, c'est ça, c'est que le problème, c'est que en le mettant, en le projetant là-bas, ça aurait pu être intéressant, mais en fait, il passe son temps donc, avec ses antidouleurs et puis à picoler, donc c'est plus une gueule de bois constante, et donc ça reste un peu à ce niveau-là, et ça va pas en profondeur, en fait, dans la psyché du personnage, tu vois, ça va être plus vraiment ça devient vraiment, ouais, un peu clichétonesque. Ça fonctionne, hein, parce que c'est quand même bien écrit. Alors, c'est effectivement, c'est Rockstar Games, Rockstar Studio, donc c'est Hoozer, hein, c'est les frères Hoozer qui font ça, et donc ils mettent leur thématique habituelle, tu vois, ils se réapproprient le personnage, mais le problème c'est qu'en se le réappropriant, ils le trahissent par moments un petit peu, et même l'histoire en fait, qui est pas trop mal fichue, mais ça reste quand même une histoire qu'on retrouve dans les GTA et tout ça, enfin tu vois, c'est un peu le classique, on va dire, Rockstar avec le mec, tu penses que c'est ton copain, mais il va te trahir, enfin tu vois, c'est vraiment, il y a des marqueurs que tu retrouves toujours en fait dans les jeux Rockstar. Et le truc aussi qui était un peu décevant, c'est que les Max Payne, c'est quelque chose de très sombre. Et le problème, c'est que dans ce jeu-là, Rockstar confond le côté sombre avec le côté glauque. Le jeu est hyper glauque, c'est hyper même malsain par moments, mais ça tombe pas dans la noirceur, en fait. Ils ont confondu un petit peu les deux, tu vois, il suffit pas de mettre la pluie dans les favelas par moments, le soir, pour que ça fasse en fait sombre, en fait. Il y a une question d'ambiance qui marche pas toujours, alors que le côté, par contre, gueule de bois action fonctionne quand même vraiment super bien. Comme tu dis, en termes de jeu d'action, c'est pour moi un des meilleurs TPS, et même il tient encore super bien la route de nos jours, hein. Mais c'est vrai que voilà, le personnage c'est un peu limite un... Ouais, c'est ça, c'est un peu le côté c'est un bulldozer même, tu vois, c'est le côté c'est plus le côté ange de la mort, c'est le côté bulldozer en mode crâne rasé, grosse barbe, tu vois, c'est un peu Kratos avant l'heure mélangé avec du Bruce Willis dans Die Hard mais version aux enfêtes et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu un peu décevant, même s'il y a des niveaux fantastiques. Enfin, franchement, en termes de jeu, il y a des niveaux jouissifs. Par exemple, le niveau de l'aéroport avec la musique. La BO était assez cool, hein, c'était le groupe Else. Et le niveau de l'aéroport, il y a un côté badass. Le côté badass du jeu, par contre, est extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment un super grand jeu. Ouais, le level design, il déchire aussi. Enfin, bon, c'est Rockstar, donc c'est... Franchement, il est irréprochable au niveau technique, au niveau gameplay, etc. Mais même en qualité d'écriture, il est bien écrit, mais voilà, c'est ce changement de propriétaire qui a changé complètement le personnage, et c'est ça qui me déçoit finalement. Ben oui, parce qu'il s'appelle pas Max Payne, tu fais une autre histoire avec un personnage normal, tu vois, ça aurait été super bien, ils auraient pu se l'approprier comme ça, que là finalement, tu vois, ils essaient de mettre après, même sur la fin du jeu, sur... Enfin, en fait, voilà, le problème, c'est que t'avais c'était un voyage qui avait été créé par Remedy sur Max Payne, et le problème, c'est que là, ils enlèvent ça du personnage, et donc voilà, le problème, la déception vient plus vraiment du character building que du jeu en lui-même, qui est vraiment top, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu décevant, et d'ailleurs, le truc qui est assez amusant, c'est que, paradoxalement, tu vois, je trouve que un personnage Rockstar, alors toi, je sais que t'es un peu dedans, mais tu n'as pas fait le jeu, mais par exemple, je trouve que leur Arthur Morgan, donc le personnage, le héros de Red Dead Redemption 2, par certains côtés, il est beaucoup plus Max Payne, mais vraiment, hein, dans la manière d'écriture, dans la manière de ce qu'il est, il est beaucoup plus Max Payne que le Max Payne qu'ils ont créé pour Max Payne 3, tu vois, c'est ça qui est assez étonnant. D'accord. Tu verras, en fait, j'ai retrouvé beaucoup plus de ce que est Max Payne dans Red Dead Redemption 2 que dans Max Payne 3, tu vois, c'est assez surprenant, et c'est là que tu vois aussi peut-être que l'écriture aussi de Rockstar sur ce type de personnage atteint probablement une maturité avec Red Dead 2, mais on va pas en parler puisque c'est une suite, moi, qui pour le coup ne m'a pas déçu, et je pensais pas être autant emballé, mais elle m'a pas déçu du tout. Donc voilà, Max Payne 3, excellent jeu, c'est pas loin d'être un des meilleurs jeux de cette année-là, en 2012, pour moi, et pas un bon Max Payne, comme quoi, tu vois, c'est... Les deux ne vont pas forcément de pair. Et ensuite, alors, un jeu, là je vais te laisser en parler un peu plus de cette série là. On parlait de Rockstar, on va rester sur Rockstar avec la série bien connue des GTA. Est-ce que tu peux nous dire quel jeu nous a déçu comme GTA, lequel? Eh bien, en fait, c'est le quatrième, tout simplement. Pour des tas de raisons. Bon, alors, la première, on précise qu'on est avant tout des joueurs PC, et que GTA 4, on l'attendait sur PC, et c'est le GTA qui a déjà connu le pire portage de tous. C'était ni fait ni à faire, des bugs, enfin, c'est une catastrophe. Mais bon, voilà, on va pas trop se focaliser là-dessus, parce que ça a été corrigé par la suite. Moi, j'ai joué bien après, et tous les bugs qui ont été décrits à la sortie, finalement, moi, je ne les ai pas eus. Et donc, on se retrouve avec un jeu qui est donc, techniquement super bien, il tient encore super bien la route aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il arrive après GTA San Andreas, qui n'est pas GTA 3, c'est le 3.3. Qui était super bien, déjà parce que le jeu était très bien, était très grand, le scénario était haletant, super bien écrit, gros casting, en termes de gameplay il y avait des tas de choses, t'avais un côté RPG aussi dedans, t'avais de super bonnes idées, et là donc de retour, donc fini la pseudo Californie et la côte ouest des États-Unis, donc là on retourne à Liberty City qui s'apparente un petit peu à New York, qui était le terrain de jeu en fait du GTA 3, hein, qui était le premier jeu en fait en 3D puisque les deux premiers ils étaient en vue de dessus, et donc c'est vrai comme il y a eu GTA 3 et entre temps il y avait aussi Vice City qui était un des plus prisés, qui lui se passe dans pseudo Miami, Floride, ambiance Floride etc, qui était génial avec une BO qui déchirait, années 80 de l'époque. Oui, c'était un peu le Scarface, on va dire, enfin le Scarface version de Palma, hein, pas la version de Hawks évidemment. Ouais, tout à fait. Et là, donc, ils sont partis sur une autre thématique où, en fait, donc, on incarne Nico Bellic, qui vient d'Europe de l'Est, plus ou moins, qui veut fuir la guerre et partir à la conquête du rêve américain grâce à un de ses cousins qui est implanté là-bas. Et en fait, c'est ça qui nous a déçus, en fait, c'est que, enfin, toi comme moi, on a trouvé le personnage complètement bidon. C'est vrai que dit comme ça, il y en a qui vont s'arracher les cheveux parce que je sais que c'est un personnage qui est vachement aimé, mais il avait été vachement survendu parce que, comme tu dis, nous on a joué le jeu plus tard sur PC. Donc effectivement, nous on a eu plein de gens qui disaient ouais, Niko Bellic, c'est un des meilleurs personnages écrits du jeu vidéo et tout. T'es là, t'es... Alors là, tu vois, quand on parle des fois des journalistes qui servent un petit peu d'attaché de presse pour des studios, et en fait voilà, et donc je me dis ah ouais, ça va être super bien, le mec qui fuit l'Europe de l'Est, donc la Yougoslavie par loin, enfin les conflits qu'il y a là-bas, tu dis ouais, ça peut être en tout cas assez intéressant, tu vois, tu étais déjà limite en mode le film de comment il s'appelle de James Gray, la Little Odessa, tu vois, quoi. Sauf qu'en fait. Pas du tout, quoi. Le mec, il arrive, il dit « Ouais, je fuis la guerre, je veux pas me battre et tout ça. Seconde mission, ouais, va taper celui-là. » Et tu butes un mec. T'es là, mais non. Tu vois, quand on parle de dissonance ludo-narrative, t'es là, tu dis « Mais non, le mec, il est... Dans... » Là, tu m'as dit dans un intro « Ouais, je veux pas me battre ni rien. » Deux secondes plus tard, c'est hey, « Eh, vas-y, on va claquer des culs et puis on va taper des mecs. » T'es là, mais non, mais je comprends pas. Ouais, le mec, il fuit la guerre et puis il se retrouve à commettre les pires atrocités pour défendre ses cousins qui se retrouve dans la merde jusqu'au cou et qui finalement il va carrément tremper dans des, parce que bon le scénario va quand même s'étoffer, s'épaissir un petit peu, hein, puisqu'il va être repéré par un organisme gouvernemental, donc une sorte de FBI, etc. Et donc là ensuite on tombe un petit peu dans ce que Rockstar sait écrire, donc c'est-à-dire les complots, les tromperies, les manipulations, etc. Qui couche avec qui. Donc voilà. Donc... Oui, et puis après, il y a toujours l'espèce de critique en fait, de la société, sauf qu'en fait, c'est... Oui, parce que c'est tout le temps ouais. Ça, GTA, c'est des critiques, c'est cliché de la société. Encore le 4, on va dire qu'il est gentil là-dessus. Le pire, c'est vraiment le 5 pour ça qui... Ça va jusqu'à l'extrême. Hein. C'est pas négatif. Et quand je dis ça, il y a franchement un truc, c'est à hurler de rire tellement tu dis, mais oui, mais c'est totalement ça. Mais le problème, c'est que parfois, ça dépasse tellement de trucs que ça tourne limite un peu à vide par moment. Tu vois, l'exercice, des fois, il le surjoue tellement. Que... Ouais. Ce qui n'était pas trop le cas dans GTA 4 quand même, c'était pas ça le pire, le plus décevant. Non, parce qu'ils ont voulu créer un personnage un petit peu plus authentique et peut-être un petit peu moins cliché, mais voilà, pour une raison qui m'échappe encore un petit peu, c'est moi la mayonnaise, elle a pas pris. Et pourtant je suis allé au bout, hein, je l'ai fait, je l'ai retourné, y a pas de problème. Hein. Moi je crois qu'au bout de 15 heures de jeu, je pouvais tout simplement plus, 15-16 heures de jeu, je pouvais tout simplement plus à voir ce personnage là, tu vois, je ne pouvais plus quoi, c'était insupportable, non, je peux pas te... Et tu vois, s'il y a un moment, c'est problème, hein, c'est ton avatar, il te sort par les yeux, bah tu peux, voilà, c'est terminé quoi, tu vois, c'est... Et c'était assez... voilà, je me suis dit non, c'est pas possible. Parce qu'après, voilà, on retrouve en termes de mécanique, comme on a dit, nous en plus les jeux étaient patchés, donc en termes de mécanique, c'est du GTA. Enfin, voilà, je veux dire, c'est agréable, tu sais ce que t'aimes, mais en fait, c'est des jeux vraiment sandbox, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, quand tu t'accroches pas vraiment au personnage et puis au scénario, c'est toujours un peu pareil. Ben en fait, ce côté bac à sable, tu vois, ça fait partie de ces jeux que je finis pas. Pourtant, je finis souvent mes jeux, mais là, personnellement, tu vois, je me dis, bon, mais voilà, je me suis assez amusé. Bon, ben en fait, le personnage me donne pas envie d'aller plus loin. L'histoire, bon, c'est un peu toujours pareil. Et donc, c'est pour ça que je l'ai laissé un peu de côté. Et c'est vrai qu'à chaque fois que les gens me disent « Ouais, Niko Bellic, super personnage du jeu vidéo », je me dis « Ouais, non, je... » Défaut de compréhension, comme on dit, dans les milieux autorisés. Ouais, non plus, je comprends pas, mais bon. Et voilà, les DLC étaient très bien aussi. Parce que tu as The Ballad of Gettoni et l'autre avec les bikers, désolé, je ne me souviens plus. Oui, c'est le truc de Liberty City, quelque chose comme ça. Story of Liberty City. Ouais, voilà. Ouais, je sais plus. Mais voilà, et c'est assez paradoxal, ouais, que finalement, on a trouvé les... Enfin, moi, j'ai trouvé les DLC mieux que le jeu original, sur bien des aspects. Et voilà. Mais c'est encore un super bon jeu, enfin, je veux dire, techniquement... Si, il était franchement au top. Il y a de super trucs et quand même, il y a de super bons moments et parfois même assez poignants et déchirants. Hein. Mais voilà, globalement, voilà, c'est problème d'identification au personnage et voilà. Enfin bref. On rappelle bien que c'est pour ça qu'on parle de ce qui nous déçoit et ce qui ne veut pas dire, je le répète, hein, mais que c'est un mauvais jeu, quoi que ce soit. Un jeu qui est sorti, ce nom-là vient d'outre-temps, on dirait Obi-Wan Ben Kenobi, c'est Still Life 2. Et quand on a préparé le podcast, j'en ai parlé, tu m'as dit, mais oui, putain, mais j'y ai pensé. Et c'est vrai qu'il sort un peu de n'importe où. Alors, mais avant oui, de parler de Still Life 2, on va parler un petit peu de ce qu'est cette série, parce qu'en fait, c'est une trilogie. Il y a un premier jeu, il y a un jeu et sa suite, et il y avait même un premier jeu qui se passait avant avec un personnage. Donc ouais, c'est une sorte de trilogie qui est développée par Microïd. Donc Microïd, le fameux studio éditeur-développeur français qui est réputé pour faire des jeux point and click. On revient sur le point and click cette fois-ci. Donc ça fait partie d'une série. Donc le premier jeu s'appelait Postmortem. Je sais pas si tu l'avais fait, Postmortem. Moi j'avais beaucoup aimé. Non, hélas. Ouais, donc après c'est pareil, hein. Techniquement des fois il y avait des problèmes, mais l'idée était assez cool. C'est un jeu qui se passait dans les années 20 à Paris, et t'étais un petit peu dans le... Tu faisais un détective privé qui s'appelle Gustave McPherson, et en fait tu enquêtais sur un meurtre assez sordide. Il y a une espèce d'ambiance vraiment poisseuse, hein, quand même dans ces jeux-là, c'était assez intéressant. Donc le jeu est sorti en 2002, et donc tu enquêtais en fait sur un double meurtre dans une chambre d'hôtel avec des gens qui étaient décapités. Il y avait vraiment un côté enquête un peu, là encore on revient sur le truc d'enquête un peu, pas film noir mais pas loin, avec le détective privé, ce côté un petit peu, un mélange de, donc des nouvelles d'Edgar Allan Poe, et après le côté on va dire plus polar qu'on va retrouver dans des trucs comme Le Grand Sommeil, tout ça, même si ça se passait en France. Et donc par la suite ils ont fait Still Life, qui est sorti lui en 2005. Et cette fois-ci, le truc qui était vachement bien, Still Life, qui est un jeu qu'on a vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je crois que c'est toi qui me l'avais passé d'ailleurs. Ouais, c'est moi qui te l'avais recommandé parce que j'avais dû lire un test dans un magazine à l'époque. Sur Joystick, on peut en parler à l'époque. Sur Joystick, oui, je voulais pas le citer, mais oui, c'était à l'époque où on lisait des magazines incroyables. C'était soit ça ou Canard PC qui venait plus ou moins de se lancer, je sais plus. Du coup, c'était un super bon moment. Donc ça se passe dans les années, une époque contemporaine, années modernes, où on incarne en fait donc la petite fille du jeu précédent, donc McPherson, qui doit enquêter donc sur un tueur en série, mais qui, c'est quoi le terme que je cherche ? Enfin bref, qui ne se contente pas de tuer des gens, mais qui joue un petit peu, qui fait un jeu de piste avec les policiers. En déguisant ses victimes, en faisant la mise en scène, en mettant en scène les cadavres de ses victimes, et qui donc va fatalement faire écho aux enquêtes de son grand-père à l'époque, puisqu'il y a aussi des flashbacks où on joue son grand-père. En fait, c'est même pas un flashback, je crois qu'en fait, vers le début du jeu, tu fouilles la baraque, tu trouves en fait son journal intime au grand-père, donc Gustave. Et donc c'est une nouvelle aventure. En fait, il y a deux jeux dans un, mais qui sont reliés, parce qu'effectivement, elle va se rendre compte qu'il y a eu une affaire, il a enquêté, donc c'est à Prague pour le coup, dans le Prague des années 20, donc c'est après Postmortem. Ils font référence un peu à Postmortem, mais après tu croises des nouveaux personnages. Et donc elle est du côté de Chicago, hein, elle s'appelle Victoria McPherson, donc elle est agent spécial du FBI, hein, classique, qui mène l'enquête, comme tu dis, avec les serial killers fourbes et qui jouent au chat et à la souris. Et le truc qui est vachement intéressant dans ce jeu-là, comme tu dis, c'est qu'il met en scène, suivant, en fait, il fait des peintures. Et donc, elle va retrouver une galerie d'art, parce qu'elle a un petit ami, en plus, qui tient une galerie d'art. Donc, elle va trouver des tableaux étranges. Et donc, effectivement, une espèce de souvenir du grand-père qui lui enquête aussi sur un serial killer à l'époque et qui commet le même type de meurtre. Donc, justement, elle va essayer de voir qui est ce tueur en série ou comment, en fait, en trouvant comment a résolu son enquête, son grand-père, si ça peut l'aider et tout ça. Et comme tu dis, il y a un jeu. Et d'ailleurs, justement, ça fait partie du... Alors attention, c'est info Wikipédia, hein. C'est pas que j'ai trouvé ça directement, hein. je vais pas me faire passer pour ce que je suis pas, mais c'est parce que Still Life en anglais, en fait, c'est la technique de la nature morte, et en fait, lui, c'est l'art qu'il utilise en fait pour le jeu, et pour présenter en fait les cadavres représentés comme des natures mortes dans un tableau en fait. Donc il y a vraiment tout un jeu autour de l'art et des tableaux en fait, il y a vraiment une ambiance qui est exceptionnelle, et surtout, il y a le premier truc qu'il nous avait, je me rappelle à l'époque, vraiment lancé dans le jeu et qui donne vraiment envie de faire le jeu, je sais pas si t'en souviens, c'est la scène d'intro. On voit le tueur actuel commettre un crime, donc il a une espèce de cape noire et puis un masque en argent, un grand chapeau haute forme, donc un truc un peu à la Jack l'Éventreur, ou du moins comment on imagine Jack l'Éventreur. Et en fait c'était sur la musique du Requiem de Mozart, et donc tu vois un meurtre comme ça, et donc avec la musique du Requiem de Mozart, qui doit être le Dies Irae du Requiem de Mozart. Et donc en fait là, c'est une vidéo, CGI à l'époque, de l'époque. Et donc on voit ce premier meurtre là, et franchement si vous pouvez ne serait-ce qu'aller regarder sur YouTube justement l'intro de Still Life, ça donne de suite l'ambiance du jeu, qui est vraiment un jeu vraiment assez, qui est très sombre, vraiment assez poisseux et tout, mais qui n'empêche pas en fait beaucoup d'humour, c'est vachement bien écrit, je sais pas si tu t'en souviens ça justement, des systèmes de dialogue qu'il y avait, les personnages sont quand même super bien écrits et attachants. Donc ouais, effectivement les personnages étaient plutôt bien écrit quand même. Ensuite, le fait que McPherson... Pourquoi j'ai envie de dire Hélène McPherson ? C'est pas Hélène McPherson. Hélène McPherson, mais tu m'inventes quelqu'un, Hélène McPherson. Et non, ça doit exister, Hélène McPherson, c'est sûrement une actrice ou je sais pas quoi, bref. Non, il y a Elle McPherson, c'était une top modèle. C'était l'époque où on téléchargeait les fonds d'écran coquins, mais toujours quand même propres, pas trop érotiques, de Elle McPherson, quand on téléchargeait avec, c'était l'époque des vieilles box et tout ça, des vieux modems et tout ça. Attention, ouais. Je viens de m'afficher, vous pourrez vous foutre de ma gueule sur Twitter aussi si vous voulez. Ouais. Et donc quoi, ouais, les personnages étaient plutôt bien écrits, donc effectivement, donc le grand-père et petite-fille sont les mieux écrits. Et ça aide beaucoup aussi de qu'elle puisse se plonger justement dans les souvenirs de son grand-père pour faire les parallèles. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on sait qu'elle a un père qu'on voit un petit peu parce que à un moment donné, elle va chez elle pour se détendre et qui donne lieu d'ailleurs à l'énigme la plus tordue du jeu, c'est la recette de pain d'épices, voilà, je sais pas si tu t'en rappelles. Oh putain, j'avais oublié, je viens de me rappeler quand tu viens d'en parler, la recette de pain d'épices, mais oui, oh putain, fais-nous du pain d'épices, tiens, sors la recette de ta mère, une dose d'amour, trois doses de douceur, et je sais pas quoi, et mélange, et ceci, oh, et vas-y. C'était horrible. Mais ouais, et le truc d'ailleurs, c'est que si faut la réussir, parce que c'est quand tu la réussis là que après tu peux aller dans le grenier débloquer les aventures du grand-père. Donc... Et c'était et l'énigme la plus dure du jeu, c'était ça, c'était la recette de pain d'épices. Ouais. Enfin bref, ensuite donc effectivement, on sait qu'elle a donc son petit ami qui tient la galerie d'art, qui fait des expositions. Et voilà en fait, et tout le jeu finalement va être là-dessus, mais. Qui est l'assassin, donc tout porte à croire que c'est son petit ami à elle, sauf qu'à la fin du jeu, et bien justement, ben c'est pas révélé, et c'est ce qui pousse justement à jouer à Still Life 2 qui sort des années après, qui a eu des problèmes de développement, etc. C'était un peu compliqué. Les fans avaient râlé pour le coup, les fans râlaient justement de cette fin trop ouverte où effectivement, comme tu dis, on pense vraiment savoir, mais le jeu te donne jamais vraiment la réponse. Alors tu as la réponse de qui est le tueur dans le flashback du grand-père, hein. Ça on le sait, mais effectivement dans l'enquête actuelle, ça tu ne le sais pas. Et comme tu dis, Still Life 2 va donner en fait, mais le pire c'est que Still Life 2 donne la réponse, mais ce n'est pas le cœur du jeu. C'est ça le gros problème, c'est qu'on doit se taper un jeu qui est voilà, ils sont passés à la 3D. Bon, ensuite, ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est des petits studios, voilà. Ils sont plus, on va dire, sur l'écriture, ils sont plus doués là-dedans que sur la technique. Et on va se taper un jeu, mais qui est ignoble, c'est moche, c'est pas bien fait, les énigmes non plus, la gestion de l'inventaire, mais mon dieu, mais c'est catastrophique. Et effectivement, en fait, ça se passe plusieurs années après le premier jeu. Et là, on est complètement sur d'autres enquêtes, dans une maison, etc. Et c'est au détour de je sais plus quoi, on apprend un peu par hasard que, eh ben oui, le tueur du premier, ben en fait, c'était son copain. Voilà, voilà, c'était très, très, très décevant. La façon dont ils le disent, tu dis, mais ouais, non, attendez, mais je me suis tapé tout ça pour que finalement vous confirmiez. Les soupçons qu'on avait il y a 4 ans. Bah ouais, surtout comme tu dis, en fait, c'est le truc qui s'appelle Still Life 2. Donc en fait, tu te dis, ça va être vraiment la suite. Et en fait, le jeu commence, tu sais pas trop. Donc la fille, Victoria, elle a quitté son poste. Elle est même plus au même endroit. Elle vit plus à Chicago ni rien. Elle est partie, je sais plus où, au milieu des États-Unis. Même si c'est toujours FBI. Et donc il y a un nouveau psychopathe qui est là. Donc il y a un nouveau tueur. Donc tu te dis, tiens, est-ce que c'est le même ou est-ce qu'ils sont deux pères ou quoi. Et en fait, t'as un autre personnage qui est une journaliste qui va enquêter. Donc tu vas jouer encore deux personnages. Sauf que tu vas jouer la journaliste. Et en fait, donc Victoria, que tu continues. Et le problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis, tu vas avoir des flashbacks qui vont être là, mais un petit peu de manière forcée, et qui vont te raconter ce qui s'est passé entre le moment, enfin entre les 4 ans qui sont passés entre les deux jeux, tu vois. Et c'est ce flashback-là qui va montrer, on va dire, comment elle s'occupe du tueur du 1. Mais effectivement, l'enquête actuelle n'a strictement rien à voir. Le tueur en série n'a rien à voir. Et effectivement, c'est ça qui est plus que décevant, c'est que tu penses que tu as vraiment une suite directe. Qu'il va avoir des rebondissements et pas du tout, c'est ouais, mais en fait c'était bien lui. Tu vois, c'est comme si c'était un DLC intégré dans un jeu qui n'a rien à voir. Ouais, ouais. Et comme tu dis, après le jeu, techniquement, il est en fait, alors comme tu dis, pas sur la 3D, mais au niveau de l'inventaire, même des puzzles et tout ça, enfin, c'est limite, ouais. Tout est moins bon que le jeu que le précédent jeu qui a 4 ans de moins, quoi, tu vois. Largement. Donc voilà, donc là pour le coup, ne jouez pas à Still Life 2. Et voilà, et ne jouez plus au 1 non plus, vu qu'on vous a spoilé la fin. Mais le 2, ouais, non, c'est effectivement, c'était un ratage total. Et voilà, et c'est bien dommage. Effectivement, ils auraient mieux fait, à la rigueur, je sais pas, ou ils sortent un truc, mais même une nouvelle en bouquin, enfin, non, pas en bouquin, parce qu'ils n'auraient jamais eu les moyens, mais une nouvelle sur internet, et puis ils te sortent une petite révélation, voilà. Ou... Ouais, ou un DLC, mais c'était peut-être pas l'époque encore de DLC, donc c'est le problème, tu vois. Pour l'époque, mais je sais pas pourquoi ils ont fait tout ça, et voilà, donc c'était une grosse déception par rapport au premier jeu, qui était une bonne petite surprise, assez inattendue, on va dire. Ouais, voilà, et puis comme tu dis, c'est comme tout polar, hein, c'est vraiment ça, c'est comme si on vous faisait un polar, vous avez à la fin, on vous dit, ben non, on sait pas qui est le tueur, et vous prenez un autre livre qui n'a rien à voir, et au milieu dedans, en fait, c'est, ah, tu te souviens, dans cette histoire-là, en fait, dans cette enquête-là, ben, c'était lui le tueur. Ouais, c'est vraiment ça, et c'est vrai que c'est vrai que c'était dommage, et comme tu dis, on va pas taper sur Microïds, parce que moi, j'ai vraiment de l'affection pour ce qu'ils font, et pour leurs point and click, ils sont pas toujours réussis, techniquement souvent datés, même au moment où ils sortent. Mais il y a toujours une ambiance, un truc comme ça, et même là le jeu il est vraiment raté sur plein de points, mais il y a toujours une ambiance quand même, il y a un certain cachet, mais le cachet n'achète pas tout. Et malheureusement là effectivement c'était quand même vraiment décevant. Voilà. C'est pas la grande déception parce que c'était pas le jeu dont on fondait le plus d'espoir dessus, mais voilà, c'est vrai que c'était un peu triste, et c'était aussi quand même pour mettre en avant les productions précédentes de la boîte, parce que c'est vraiment des trucs, si vous aimez les point and click. Les post-mortem, franchement, on en a pas trop parlé. Il y a vraiment vieilli, mais il y a vraiment des trucs sympas. Donc, si vous aimez le côté un peu rétro, allez-y. Et on va aller maintenant, on va changer un petit peu. On va quitter Chicago, Prague, Paris, tout ça. Ouais, je viens de regarder les notes de Still Life quand même sur Steam. J'ai pas pu m'en empêcher. Et effectivement, donc le premier, il a 88% d'évaluation positive, enfin plus de 80. Et le deuxième, il a 44. Donc voilà. Ouais, quand tu regardes les screens, tu vois les textures et tout ça, c'est dommage. C'est vrai. Alors qu'il y avait une petite ambiance un petit peu comme Saw, ouais, mais par contre, si vous voulez jouer à de bons jeux Microïds, tous les Siberia, je crois que c'est deux. Donc voilà, ouais, je crois que le dernier, il y a des petits problèmes aussi, d'après ce que j'ai vu, mais je ne l'ai pas fait. Ouais, il y a des petits problèmes, mais bon, voilà, il y a quand même de bons jeux. Enfin bref, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Exactement, donc ta parenthèse qui a ruiné ma transition, mais c'est pas grave, donc je vais pas refaire ma transition, je vais repasser directement à The Force Unleashed 2. Ouais. Alors, The Force Unleashed, rapidement, le Star Wars en français, le pouvoir de la force, qui était un jeu qui était sorti, alors c'est développé, édité par LucasArts, hein, ça existait encore à l'époque, sorti en 2008, donc était un jeu, c'est quoi, c'est un jeu action-aventure. Alors on avait déjà parlé dans notre spécial Star Wars, donc qui est le premier podcast de la Cantina. On va pas revenir trop là-dessus, mais c'est quand même un jeu, c'est loin d'être mon Star Wars préféré, mais bon, au niveau du feeling quand même, c'était super fun, on pouvait utiliser les sabres de laser, on pouvait utiliser les pouvoirs de force, donc c'était du n'importe quoi au niveau de l'utilisation de la force, mais c'est quand même très jouissif. Le scénario, dans le côté Legends, était pas trop mal du tout. On jouait un apprenti secret, donc qui s'appelle Garen Malek, de Darth Vader. Darth Vader qu'on pouvait incarner dans le premier niveau quand même du jeu. Ouais, en prologue, ouais. Et donc après, voilà, un apprenti que donc Vader élève parce qu'il a envie de renverser l'Empereur, hein, ça c'est les Sith, c'est toujours comme ça. Sauf qu'effectivement, après, l'apprenti va plus ou moins passer du côté clair de la Force, alors qu'il est chargé de traquer un Jedi, hein, qui s'appelle Ram Kota, qui est quelqu'un qui a échappé à la purge Jedi. Il va aussi développer une romance avec une jeune pilote de l'Empire qui s'appelle Juno Eclipse, hein, rien à voir avec Ellen Page qui est enceinte dans le film de Jason Reitman, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas c'est le cas. Donc Galen Marek, qui est plus connu sous le pseudonyme de Starkiller, donc c'était un jeu qui était quand même pas mal du tout. C'est pas mon préféré, mais il y avait quand même comme je dis, techniquement c'était bien joué, c'était assez jouissif, le doublage des acteurs était bon, le scénario en lui-même était du classique Star Wars, mais c'était pas mal, d'autant que... Il tenait bien la route et il s'intégrait bien dans les trilogies originales, parce que grosso modo ça se passe un peu avant l'épisode 4 finalement, c'est entre le 3 et le 4, enfin, ce qui est logique, parce que c'est après la purge. Mais voilà, il y avait de la cohérence et ça ne gâchait pas, on va dire, tout ce qui était mis en place par les films et l'univers Legend de l'époque. Ouais, l'univers étendu qu'on appelait, donc ouais, ça s'intégrait bien, puis il y avait ce côté balbutiement, puisqu'il aide finalement la rébellion à se lancer, on croise des personnages connus comme Shakti, par exemple, qui va avoir un rôle assez important, qui était dans l'épisode 3, mais sa mort avait été coupée au montage, donc ils en ont profité. Les personnages voilà, qui intègrent sont quand même super bien, c'était quand même vraiment du vrai bon Star Wars, enfin on passait un bon moment. Et d'ailleurs c'était pas un jeu qui a... Ben voilà, la fin appelait pas nécessairement une suite, mais bon, on pouvait aussi se dire qu'il y en aurait une. La fin non, mais le portefeuille oui, on va dire. Exactement. Et comme ça a bien marché, ben en fait, 2 ans plus tard, ils vont faire en 2010. C'est toujours LucasArts, mais cette fois-ci, l'éditeur, c'est Activision. Alors, on va pas balancer la pierre Activision, mais bon, tiens, comme par hasard, j'ai envie de dire. Alors déjà, le personnage revient, alors qu'à la fin du 1, en théorie, il a disparu. Sans trop spoiler. Oui. Il y a deux fins différentes, mais ouais. dans la bonne fin, on va dire, effectivement, le personnage n'est plus. Il se sacrifie pour le bien commun, un peu, voilà. Et le truc qu'il y a, c'est que là, ils vont déjà nous partir avec... donc le personnage qui revient, on comprend pas trop pourquoi. Et là, ils vont partir avec la super très mauvaise idée qu'on retrouve souvent dans l'univers Legends, enfin, dans les plus mauvais de l'univers Legends Star Wars. C'est le côté genre, ah ben on va mettre un clone. Alors le pire, c'est qu'en fait, ils disent qu'on va mettre un clone, mais c'est qu'en fait, c'est jamais vrai. En fait, des moments, on sait pas si c'est vraiment le personnage dont ils ont... Qui a été rendu amnésique ou si c'est un clone. Enfin, des fois il dit oui, des fois non. C'est jamais vraiment complètement confirmé, même si on se doute que c'est un clone. Donc déjà c'est un truc, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est l'occasion d'aller sur Kamino puisque c'était la planète des clones qui avait été montrée dans Clone Wars, mais avant ça dans l'attaque des clones, hein, l'épisode 2. Et donc là ils vont vraiment essayer de remettre une histoire bout à bout, de faire revenir des personnages comme Ramkota, donc Juno Eclipse aussi. Mais pareil, l'histoire de clone avec Vador qui veut, comment ça s'appelle, un peu foutre le bordel évidemment, comme par hasard, et qui veut développer ses propres clones de mecs de force pour renverser Palpatine, et en fait ça part vraiment en vrille. Alors, tu peux peut-être parler quand même techniquement ce qu'est le jeu, parce que pour le coup c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais ensuite voilà, c'est more of the same. Hein. T'avais un sabre dans le 1, t'en as deux dans le 2, t'as deux fois plus de. C'était deux fois plus de tout en fait. Donc non, le jeu n'est pas mauvais, c'est toujours aussi jouissif de massacrer un petit peu tout le monde, même s'il y a ce côté un petit peu aussi Far Cry qu'il y avait aussi dans Force Unleashed 1, c'est t'es incognito, personne ne sait que t'existes, donc tu massacres tout et tu poses pas de questions. Et voilà, donc on joue aussi toujours autant avec le décor, hein, parce que c'était ce qui était un peu mis en avant pour Force Unleashed 1. Donc non, le jeu n'est pas mauvais techniquement, mis à part les soucis inhérents à ce type de jeu, donc les mouvements de caméra, etc. etc. Mais non, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais effectivement, c'est juste qu'à un moment donné, le scénario va complètement partir en sucette. Et qu'on soit fan de Star Wars ou juste averti, voilà, autant le premier s'intégrer, il était cohérent, et là je sais pas ce qui leur est passé par la tête, ils ont fait n'importe quoi avec les personnages. Alors ils proposent encore deux fins aussi, avec une fin où il y a une espèce de happy end, où en plus Vador serait emprisonné par la rébellion, alors déjà t'es pour ok, et t'as une fin où en fait finalement le clone machin devient gentil, il est amoureux, mais il se fait tuer par un autre clone qui lui est méchant, ce qui va amener des DLC, il va falloir défoncer toute la rébellion sur Endor. Et donc buter Chewbacca, se battre au sabre laser contre la princesse Leia. Enfin bref, c'est... Tue Han Solo aussi, il me semble. Au passage. Tue Han Solo, et puis ensuite j'avais vu des vidéos, t'arrives sur Leia, attendez, vous croyez que je me suis tourné les pouces, moi aussi je me suis entraîné, elle te sort un sabre laser, et puis elle lutte arme égale contre le clan, enfin c'est n'importe voilà. quoi. Ceci dit, l'idée que Leia, en fait, pour le coup, utilise la force... C'était pas mal, c'est logique. C'était pas mal, d'ailleurs c'était repris puisque dans l'univers canon c'est ce qui t'a repris, ouais. Donc c'était pas déconnant, mais c'est juste que c'est l'exécution qui est une avoque. On a vraiment l'impression d'être dans alors je vais pas dire de la fanfiction, parce que la fanfiction, il y a des très bonnes fanfictions, mais là c'est vraiment limite la fanfiction rédaction niveau collège du lado qui dit bah, tiens, mais mes figurines, je m'amusais à faire n'importe quoi, et genre ah, et là il défonce tout le monde, tu vois, c'est assez... Et là tu te dis mais gars, mais c'était pas dans Call of Duty quoi, tu vois, et c'est ah bah c'est Activision, tiens, si peut-être. Donc non, c'est dégueulasse. Mais, ouais. Mais ouais, c'était du grand n'importe quoi. Et donc voilà, la déception. Le jeu, comme tu dis, techniquement, c'est le même. Mais après, au niveau du scénario, c'est n'importe quoi. Et les idées intéressantes qu'il y avait dans le premier, ils te flinguent tout. Et ce qu'il faut préciser, par contre, c'est que quand il est sorti sur PC, c'était une adaptation vraiment, c'était une consolidation totale. Et c'est juste injouable. C'est horrible. Moi, je l'ai commencé la première fois sur PC. Ah non, c'est pas à faire. Mais le 1, c'était le même problème. Hein. Ils avaient sorti l'Ultimate Sith Edition, ouais. Je crois. C'était nul. Hein. Voilà, mais bon, ensuite, bon, j'avais pas fait sur PC, j'avais fait sur PS3. Parce que c'était le premier jeu Star Wars de la génération de l'époque. Qui était très très très bien graphiquement, c'était un peu une claque. Mais voilà, mais le 2, enfin moi j'ai pas fait le 2 globalement, je crois que j'avais fait le début, on me l'avait prêté, mais je savais déjà ce qui se passait à la fin. Et, bon, voilà. Moi, jeu Star Wars, j'ai voulu y aller et j'ai vu. J'ai ouais, compris. t'as vu, et t'es pas revenu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai déçu. Et mais c'était vraiment ça, et donc voilà, donc on était obligé de mettre ce jeu là parce que c'était quand même vraiment décevant. Et ouais, c'est vraiment The Force Unleashed 2. Ne le faites pas si vous avez fait le premier, mais restez sur le premier. Et Ouais, faites le premier, il est encore pas mal, même s'il est un petit peu daté maintenant, mais parce qu'il date de 2009, 2008. 2008, ah oui, donc c'est vraiment au début de la PS3. Mais ouais, mais il tient bien la route, voilà. Et l'histoire est vraiment assez cool quand même pour ce côté. Non, l'histoire est encore pas mal. Est vraiment, vraiment pas mal. Mais le 2, ouais, passer votre tour, c'était quand même très très très décevant. Et là, on va parler d'un jeu. Alors tiens, c'est toi qui vas en parler, enfin on peut parler de la série, mais toi tu parleras plus précisément de ce jeu-là parce que je ne l'ai toujours pas fait. Et je suis pas spécialement. Mais tu me dis quand tu veux y jouer parce que moi je vais bientôt le lâcher, je pensais. Donc, Ouais, bon, peut-être, mais je dois faire peut-être Broken Sword 5 avant. Merde. Et mais on va parler quand même d'un jeu, et pour le coup, qui jeu dont on a passé des heures sur les deux premiers opus, qu'on a joué ensemble ouais. D'ailleurs, on a joué en réseau, en multi, en coop surtout. Et voilà, d'une super, super, super licence, série. Je vais te laisser en parler parce que je sais que t'es très fan, et puis toi t'as fait l'opus 3, c'est Diablo 3. Et alors là, ça va surprendre des gens parce que qu'est-ce qu'on peut reprocher à Diablo 3? Et bien en fait. Au moment de sa sortie, moi j'ai envie de préciser, j'ai envie de défoncer un petit peu Diablo 3, mais la version qui était sortie, enfin le jeu tel qu'il était à la sortie, parce que depuis il y a eu beaucoup de changements, de corrections, d'ajouts, etc. Oui, toi quand tu l'as fait la première fois, tu vas parler du jeu tel que tu l'as découvert la première fois, tu le joues. Oui, ouais, tel qu'il est sorti donc en 2012, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu actuel, mais ça je vais en parler. Donc on va peut-être faire une petite historique de Diablo avant. Donc le premier jeu, il était sorti en 96 sur PC et c'était développé par Blizzard et Blizzard Norse même. Donc Blizzard, les papas de Warcraft entre autres et de Starcraft qui est arrivé en 97. Donc c'est un hack and slash, ce n'est pas un RPG. Il y a beaucoup qui mettent ça dans la catégorie RPG, mais non, c'est un hack and slash. Donc on incarne un personnage en vue en 2D isométrique à l'époque. Enfin, c'est toujours aujourd'hui, en fait, finalement, puisque la caméra ne bouge pas. Où, en fait, on va tuer des monstres par brochette de 12. Et donc, le but, c'est ça. Donc, on va descendre dans des donjons pour tuer encore plus de monstres, etc. Et surtout, ramasser énormément d'objets. Donc, on appelle ça le loot, en fait. Le but du jeu, c'est de faire progresser son personnage et d'avoir un bon équipement pour ensuite affronter le méga boss, etc. Donc, le premier jeu, il y avait franchement rien à redire. Je me souviens, dans Joystick, vu qu'on avait parlé de Joystick, les mecs ils avaient dit c'est simplement parfait parce que parfaitement simple. Et effectivement, ça résumait absolument tout le jeu. C'était juste super simple à prendre en main et c'était ultra addictif. Et surtout, l'ambiance était. Mais c'était délectable, franchement, c'était sombre, c'était gore, c'était glauque, c'est tout ce qu'on aimait voir dans les jeux finalement, ou ce qu'on s'imaginait aussi dans les bouquins avec des armées de squelettes démoniaques, etc. Ouais, et comme tu dis, en plus, le truc qui dans le côté simple est très bien, c'est qu'en fait, t'es dans un village, il y a un donjon, et ce donjon-là, en fait, sous terre, t'as 36 000 niveaux. Tu sens ce truc de respiration quand tu remontes à la surface. Et c'était vraiment super cool. Et d'ailleurs, comme le jeu en fait a tellement bien fonctionné, comme tu dis, que en fait il y a eu plein près de copies, de bonnes, de mauvaises copies surtout. Et c'est d'ailleurs même le terme Diablo-like, c'est vachement utilisé de nos jours, quoi. Exactement, ouais. T'avais Sacred, la série des Sacred qui était bonne aussi à l'époque. Dans les plus connus, enfin pour moi, il y avait ça. Donc bref, le jeu a super bien marché. Il y a eu une extension Hellfire, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que C'était un petit peu obscur au niveau des droits à l'époque, les extensions de jeux, donc c'était à moitié officiel, enfin je sais plus trop. Je sais pas si ça a été je crois même pas que c'était développé par Blizzard North. Hein. Non, c'est exactement comme dans StarCraft, Insurrection était sorti et c'était pas Blizzard qui l'avait fait. Bref, c'est un peu le bordel, donc on va pas trop parler de Hellfire. Par contre, on peut parler de Diablo 2 sorti en 2001, qui lui a absolument tout défoncé. C'était du Diablo +++, donc fini le donjon où tu rentres et en fait tu fais que descendre dans un escalier en colimaçon jusqu'au niveau 16 où il y a Diablo. Donc là il y avait des niveaux enfin ouverts avec des donjons etc. Et franchement c'était génial parce que déjà le gameplay était beaucoup plus approfondi entre le stuff que tu ramassais, les pouvoirs etc., les synergies entre les trucs. T'avais des personnages à la fin, c'était des machines, c'était. T'avais des choix de classe aussi, chose que t'avais pas dans le premier. Enfin, dans le premier, non, dans le premier, Non, t'avais trois persos, ouais. T'avais le guerrier, t'avais la rogue, enfin l'archère. Et le mage, mais c'est vrai, mais tu vois, maintenant que tu le dis, en fait, j'ai tellement été habitué à faire par défaut le guerrier que j'ai jamais fait les autres. Et ouais, et dans le 2, alors tu avais. Il y avait plus le guerrier, donc tu avais la sorcière ou la magicienne, je sais plus. Tu avais un paladin, tu avais le barbare. Tu avais le nécromancier qui est le personnage culte. Et ensuite, je sais que par la suite... Alors, tu avais peut-être l'assassin de base. Et c'est dans l'extension où ils ont le druide, il me semble. Donc voilà, beaucoup plus de personnages avec des arbres de compétences différents. Genre la sorcière, si tu veux partir sur foudre, glace ou feu. Voilà, donc gros potentiel de rejouabilité. Et l'ambiance encore, surtout... vraiment génial, et puis avec un univers qui s'étoffe, qui s'épaissit, etc. Ouais, donc, l'écriture est beaucoup plus développée en fait, et beaucoup plus poussée au niveau des histoires. Ouais, t'as vraiment ouais, aussi, en plus, ouais, t'as une histoire de mise en. Pareil, c'est quelqu'un qui raconte une histoire, ça, t'as ce côté conte-là. Ils sont connus pour leurs super vidéos, c'est là aussi on a les super vidéos qui commencent à jaillir entre les. Ouais, ils faisaient sur une édition collector, t'avais toutes les vidéos qui étaient sur un DVD séparé si t'avais envie de les mater sur la télé. Et voilà, donc une BO qui déchirait parce que c'était Matt Ullman qui était derrière le clavier ou derrière sa guitare. Hein. Il avait aussi fait la BO du premier. Franchement, obligé de parler de lui parce que la musique, les thèmes, c'est. Ouais. Je l'écoute encore avec grand plaisir. Une bonne extension sortie l'année suivante qui était Lord of Destruction où on va pourchasser le dernier. Des frères. Des frères démoniaques. Il y a trois frères en fait. Alors c'est pas les inconnus. Voilà, désolé, je t'ai obligé de la faire. Donc tu as. Ouais, bravo. Donc il y a Diablo, Mephisto et Baal. Et donc dans cette extension, on part à la recherche de Baal qui est le dernier survivant de Diablo 2. Donc voilà, ensuite, bon, on va pas trop revenir sur le jeu. Donc, mais franchement, très très bien. La résolution avait été augmentée. On était en 800x600. Sur Lord of Destruction, alors qu'on était en 640x480 sur Diablo 2. Ça pique un peu les yeux sur les moniteurs actuels, mais à l'époque, c'était plutôt pas mal. C'était même super bien, ça faisait c'était plaisir. C'était même super bien, et moi, je joue encore à Diablo 2 en 2010 sans problème. Ça tournait encore... Enfin, voilà, c'était encore très plaisant. T'as pas des problèmes sur l'acte 3 qui se passe dans la jungle, et là ça doit piquer vraiment des yeux. Ouais, non, l'acte 3 c'est peut-être le moins bon de tous parce que c'est une jungle épaisse dans laquelle on se retrouve pas, mais bon, pour le coup c'est crédible. Mais non, il y a franchement. C'est hyper rébarbatif. L'acte 3 quand même est vachement rébarbatif. Ouais, c'est peut-être le moins bon, mais bon, globalement il n'y a pas grand chose à jeter quand même dans ce jeu-là. Ce jeu est un chef-d'œuvre. Ouais, bref. Et donc là on est en 2001-2002, et donc on attend Diablo 3, parce qu'il y a eu 4 ans d'écart entre les deux premiers jeux, et puis on attend Diablo 3. Et donc on en avait déjà parlé, mais bon, Blizzard c'est quelqu'un qui développe des jeux un petit peu en secret, et tant qu'ils ont rien de concret à montrer, ben ils montrent rien. Et d'ailleurs on avait appris après la sortie de Diablo 3, on avait vu des screens de ce qu'ils avaient développé à l'époque, et c'était encore plus ou moins en 2D isométrique. Alors que Diablo 3, donc, ils ont sorti un moteur 3D tout beau, tout neuf. Bref, ils sortent des vidéos de démonstration à l'époque, ça a l'air super bien. Bon, finalement, le jeu tel qu'il sort, ils ont abandonné des idées qu'ils avaient montrées à l'époque. Et bref, et le jeu sort. Ensuite, donc, il y a eu une grosse polémique avec l'erreur 47 ou 57, je sais plus, qui fait qu'en fait, le jeu était victime de son succès. Parce que oui, en fait, même pour jouer en solo, il fallait une connexion internet obligatoire, parce que tous les mobs, tout le monstre, en fait, c'est géré par les serveurs. Donc, connexion internet obligatoire, et au début, bah, ça a tellement bien marché qu'il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à se connecter. Bref, bon, moi, de toute façon, à l'époque, j'étais trop occupé, j'avais acheté le jeu, j'avais précommandé, j'avais la collector, mais j'avais filé le CD à quelqu'un, j'ai dit, bah, tiens, tu me le donnes à telle date et pas avant, ce qui fait que je me concentre sur autre chose. Donc, du coup, l'erreur 40 ou 57, j'ai pas vu. Ouais, mais ça a fait quand même un gros tollé. Hein. Enfin, c'est ouais, ça a fait mauvaise presse, mais franchement, comment tu peux leur en vouloir, quoi. Ils étaient juste pas prêts à un tel succès, donc ça arrive, ils ont envie de corriger le problème. Bon, voilà, c'est pas dramatique, quoi. T'attends une semaine de plus pour jouer, et puis voilà. Donc le jeu sort. Le jeu est parfait, techniquement. Il n'y a rien à redire. Le gameplay a beaucoup changé, à tel point qu'on est plus trop dans un hack and slash, on est un petit peu dans un jeu d'action où en fait tu pourras faire des combos avec des pouvoirs, même si le gameplay est quand même assez profond, parce que avec les différents combos que tu peux faire, t'as des liens entre les pouvoirs, t'as des synergies, donc ça peut être assez intéressant. Mais moi j'avais tout de suite vu le potentiel de Diablo 3 en console, et il y a des gens qui disaient non mais faut arrêter, ça sortira jamais sur console, mais pour moi il était clair que ça allait sortir sur console. Mais c'est pas ça le problème en fait. L'essence même du hack and slash, c'est que tu tues des monstres, tu ramasses du stuff, et tu progresses dans l'histoire, et puis voilà. Sauf que le système de loot de Diablo 3, tel qu'il est sorti donc en 2012, il était nul à chier, clairement. C'est t'as différents types de qualité d'objets. Donc t'as les objets classiques, t'as les magiques, t'as les uniques, t'as les légendaires, tu as les objets de set, etc. Et bien en fait, là, on t'apprend dans le jeu que en fait, jusqu'au niveau 50, tu peux pas d'avoir objet légendaire, ni d'objet de 7. Voilà, faut être niveau 50 minimum. Pourquoi ? Je comprends pas. Et même en étant niveau 50, j'en ai pas vu tomber des masses. Donc c'est pas gratifiant, en fait. C'est un petit peu dommage de toujours se balader avec les mêmes objets un petit peu basiques générés aléatoirement, parce qu'ils sont générés aléatoirement. Et il y a un autre truc qui a plombé le truc, c'est qu'à un moment donné, moi je me suis retrouvé bloqué, et je me suis dit, mais ce que je ramasse par terre, en fait, c'est nul, je suis bloqué, ça ne me permet pas d'avancer. Et là, c'est là qu'ils ont eu une idée complètement naze, qu'ils ont supprimée quelques années après, c'est l'hôtel des ventes. Voilà. J'étais sûr que t'allais venir, parce que même moi qui n'ai pas fait le jeu, c'est un truc dont je me souviens vraiment voilà. D'avoir entendu... Ah ouais, non, mais c'est râler après cette fameuse hôtel des ventes qui introduit en fait un process que j'aime pas vraiment du tout dans le gaming. Et effectivement, là, ouais. Enfin, tu vas pouvoir expliquer. Hein. Ouais, t'avais deux hôtels de vente, donc tu avais un hôtel de vente avec les pièces d'or du jeu, et tu avais un hôtel des ventes, un argent réel. Et donc le principe il est simple, c'est que tu ramasses un objet n'importe lequel. Tu vas via un menu pouvoir le mettre en vente. Donc on est exactement comme sur eBay, hein, plus ou moins. Hein. Donc tu fixes un prix et puis les joueurs vont pouvoir l'acheter librement ou pas. Et à un moment donné, donc j'étais obligé d'avoir recours à l'hôtel des ventes. Je n'avance pas. Et je m'étais acheté une arme, je sais pas quoi, de 200 000 pièces d'or, j'en sais rien. Et il n'y a que grâce à ça où j'ai pu progresser. Je me suis dit, mais là il y a quand même un truc qui va pas. Là. Comment ça se fait que le système de loot il soit aussi pourri? Pour que j'en ai recours finalement à ce genre de stratagème. Donc j'étais extrêmement déçu. Je parlais même pas de l'hôtel des ventes en argent réel. Moi j'ai pas trempé là-dedans. Mais là encore, c'est pas l'arnaque, parce qu'à un moment donné, tu sais ce que t'achètes. Et si le mec il décide de vendre une bague à 250$ et qu'un pigeon l'achète, et bien écoute, tant mieux pour lui. Mais c'est dommage. Hein, mais c'est vrai je me souviens avoir vu un article à l'époque où il y a un type. Il était étudiant en économie, je crois. Il voulait faire économiste. Et en fait, il avait analysé carrément le marché de l'hôtel des ventes en argent réel. Il avait farmé comme un porc et il avait trouvé plein d'objets uniques. Ils avaient vendu au prix de marché. Il s'était fait, mais j'ai pas envie d'être vulgaire, mais il s'était fait un sacré paquet de pognon. Ah, il s'était payé plus que les études, le mec. Je m'en souviens de cet article. Mais oui, voilà, ça fait des principes après qui sont. Qui peuvent être nocifs, mais quelque part c'était un truc un peu avant l'heure, parce que bon voilà, maintenant ouais, tu vois. Ouais. Sauf que bon, ensuite, forcément ça a fait débat, donc le jeu était mal équilibré, donc voilà, il y a des tas de trucs qui n'allaient pas. Au final, bon, plusieurs années après, donc, le jeu a un suivi très très très solide. Les mecs qui sont derrière, il n'y a pas de problème là-dessus. Bah, c'est Blizzard, hein, pour le suivi, on ne peut pas critiquer le suivi. En général, voilà, les mecs qui sont... Voilà. Et c'est des jeux où tu n'as pas d'abonnement, voilà, c'est pas comme World of Warcraft, tu l'achètes, tu l'as à vie et tu bénéficies de toutes les mises à jour, etc. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Donc voilà, ils sont revenus sur les hôtels des ventes, ils ont dit bon en fait ça a foiré, ça marche pas comme on voudrait, donc on supprime tout ça. Ils ont revu complètement l'équilibrage, donc là ben, t'as un système de loot que je qualifierais de normal, c'est-à-dire tu peux dropper du légendaire en étant niveau 10, donc voilà, il y a un réel intérêt du coup enfin voilà, pour moi le jeu a plus de sens aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis bien que je critique le jeu version 2012. Et pas tel qu'il est aujourd'hui. Parce que tous les défauts que je lui reproche, finalement, ils ont été gommés par la suite. Mais c'est un petit peu dommage. Et donc, du coup, c'était une immense déception. Parce que moi, je me suis payé la collector, j'avais précommandé, elle coûtait 100 balles, quoi. Et quant à ça, bah, tu te dis, mais non, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible, quoi. Ça n'a rien à voir avec Diablo 2. Alors, il est toujours très différent de Diablo 2, et ça n'a rien à voir. Je pense que c'est deux jeux qui sont complètement différents. Mais le Diablo 3 est un excellent jeu. Et j'y jouais encore cette année. Donc là, il est un petit peu en perte de vitesse, parce que ça fait quand même 7 ans qu'il est sorti. L'extension, elle a quelques années, je ne sais plus. C'était en 2014, ouais, Reaper of Souls. Voilà, une extension vraiment excellente, à tout point de vue. Voilà. Ensuite, bon, les nécromanciers qui te sortent là, veulent te le faire payer 15 balles, ça c'est un petit peu de l'arnaque. Ouais, mais ça ils te le mettront pour les collections qui vont sortir pour les gogo qui vont jouer sur Switch. Ouais, voilà. Et puis, oh, et puis tiens, oh, surprise, j'ai oublié, c'est sorti sur console aussi entre temps, quelle surprise. Mais ouais, tu vois, tu es un précurseur, toi, tu le savais, tu pourrais dire, je vous l'avais dit. Non, mais ça se sentait. Mais ensuite, la version console est super bien, il n'y a pas de problème, mais bon, moi j'ai l'habitude du PC, avec une manette, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Mais le jeu a été très bien calculé, équilibré pour la console. L'intérêt d'un Diablo, c'est aussi de pouvoir exploser une souris en force de double-cliquer comme un gros porc, quoi, en fait. Hein. Ah ouais, le clic gauche, c'est vrai qu'il en prenait un coup. Et là, il prend moins un coup le clic gauche dans Diablo, et c'est plutôt les touches 1, 2, 3, 4 ou AZER, hein, puisque les touches de combo sont accessibles sur cette partie du clavier. Voilà, donc ça reste quand même un excellent jeu. Donc comme je dis, il est en perte de vitesse, ça fait un moment qu'il n'y a pas de contenu. Et le souci, c'est qu'ils n'ont pas annoncé Diablo 4, ils ont annoncé Diablo Immortals sur tablette et smartphone, qui a fait plonger l'action Activision Blizzard de, je sais pas, plus de 10%. Bref, bon, c'est pas trop le sujet, on va pas trop en parler. Non, on va pas parler de ça, mais en tout cas, c'était une déception. Si on faisait un jeu sur les annonces qui nous ont déçus, on pourrait le faire. Mais en tout cas, donc, comme tu l'as bien fait de le préciser... Voilà, c'était une déception là encore, c'était pas pour toi, parce que moi je l'ai pas encore fait, parce que moi justement le changement de style, ben justement m'attirait moins. Mais comme tu dis, voilà, c'était une déception, ils nous ont déçus, ce jeu-là t'a déçu à sa sortie, mais effectivement maintenant c'est un jeu que tu conseillerais totalement à ceux qui veulent se lancer avec toutes les mises à jour qu'il y a eu. Ah oui, bah maintenant t'as la version complète, donc s'ils appellent les Battle Chest, ou t'as Diablo 3, l'extension plus le Nécro probablement, touche ça pour 20 balles. Franchement, si t'as envie de faire tous les persos, t'as des heures de jeu, t'as toujours les saisons qui sont en cours. Donc les saisons, c'est du multi en fait. Ou des saisons qui durent plusieurs mois. Et en fait, tu vas créer un perso, tu vas avoir des récompenses saisonnières. Et ils ont créé le système aussi de le mode aventure où tu dois faire aussi des failles. En fait, vite fait, le principe des failles, c'est que c'est des niveaux où tu as plein de monstres qui sortent de tous les niveaux différents. Il n'y a aucune logique là-dedans. Et le but, c'est de faire le niveau de faille le plus élevé possible pour être tout en haut du classement. Et voilà, et c'est souvent dans ces modes-là où tu trouves le stuff le plus abusé. Où c'est là où vraiment, c'est un peu du grinding. Enfin, ça l'est complètement d'ailleurs. Parce que des fois, tu dois faire 10 failles pour avoir une amélioration de pièces que tu as déjà. Donc ça va très très loin, mais faut y passer beaucoup de temps. C'est pour les gens qui sont dans la complétion totale de vouloir le truc ultime. Même pas la complétion, c'est la collectionnite du avoir l'item unique de machin. Mais si vous aimez ça, en tout cas, voilà, comme tu dis, c'est un jeu que, pour le coup, voilà, qui je me répète encore, décevant quand il est sorti. mais qui maintenant quand même bénéficie vraiment d'avancées. Donc si vous aimez ça, vous pouvez lancer dessus. Donc c'est grosso modo ce qu'on pouvait dire sur ces déceptions là en fait. C'est le jeu que, alors, on pourrait parler de plein d'autres jeux, hein, on a voulu se focaliser sur cela et de varier un petit peu aussi les genres, les types de jeux. Donc voilà, donc c'était pour parler, voilà, on a parlé des suites, des jeux qu'on attendait qu'on n'a pas eu, là c'était les suites qui nous ont déçus. Et peut-être que pour boucler cette trilogie là, pas pour le prochain épisode mais pour un épisode futur, on parlera peut-être de ces suites qu'on a aimées, parce qu'il y a des suites de jeux qui en sont meilleures, qu'on juge meilleures que l'original, et peut-être que ça sera l'occasion de conclure cette trilogie là sur les suites. Voilà, l'idée vient de venir. Parce que j'ai de la suite dans les idées, voilà. Ouais, spoiler, il y aura Diablo 2 et Max Payne 2 peut-être dans la liste. Il y aura probablement, il y aura probablement Max Payne 2 et Diablo 2, ouais. Effectivement, mais parce que, non, on verra, on trouvera autre chose, mais peut-être qu'on pourra en parler. Ouais. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous dis, vous pouvez commenter si vous écoutez cette version du podcast sur YouTube, ou sinon vous pouvez commenter sur Twitter, donc chez moi c'est @DonnyJeep. Vous pouvez nous écouter, comme je l'ai dit au milieu de ce podcast, sur différentes plateformes. Vous tapez La Cantina Chic Taba, donc vous vous trouverez sur iTunes ou Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer, Spotify. Bref, on essaie de faire les choses en bien. N'hésitez pas aussi à mettre des étoiles, le maximum d'étoiles, c'est ce qu'on aime le plus, mais en même temps, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Macrémic, je te remercie d'être venu au micro, comme d'habitude, discuter avec moi, jeux vidéo. Bah ouais, c'est toujours un plaisir, ouais, même si un peu moins régulier. Enfin, on entend peut-être la raison derrière moi, c'est un bébé qui pleure, en fait, j'ai moins de temps libre, c'est un peu compliqué. Ah, il y a peut-être ça, c'est les dessous du podcast. Justement, en tout cas, je trouve ça bien de... c'est cool en fait que tu m'accompagnes tout le temps, et puis après effectivement on a chacun nos occupations, et donc voilà, effectivement c'est pas le plus important non plus les jeux vidéo, il y a des priorités dans la vie. Tout cas, je vous ai remercié à toutes et à tous encore une fois de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. On est en forme irrégulière, donc on verra, hein, peut-être pas en août, peut-être à la rentrée, peut-être qu'on aura une super idée de podcast pour la rentrée, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite de bien jouer, de profiter de l'été. Ciao ciao, à plus.